Yes, il y a l'instant sur Fun Radio avec Cinéma. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Faites gaffe parce que ça douche pas mal, hein. Ah oui, ça glisse aussi. Hein. Ah ouais, ça glisse, ça pleut, c'est impressionnant ce matin aussi. Encore quel bel été nous avons eu. Ah oui, magnifique. Décidément. Magnifique. Comment va Julie? Mais écoute, ça devient un petit peu difficile. Hein. C'est la fin de la semaine. La fatigue. Ouais, j'ai une semaine assez chargée. Oh, mais ça va. Dis-toi que dans 27 heures, t'as fini. Non, parce que t'as travaillé demain après-midi encore, c'est dommage. Ah bah oui. Ah bah ouais, c'est oh, cool. Oui, donc. Ah ouais, ouais. Mais non, mais je le fais avec plaisir. Non. Mais c'est vrai que là. Attends, ça va, je suis pas non plus venue ici en tirant la gueule. Hein. Non, je suis très contente d'être là. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, ça devient un petit peu difficile. Voilà, mais elle pourrait être encore plus contente si quelqu'un venait lui déposer un petit déj. Oui, alors non. À la fin. Non, parce que j'avais tellement la dalle, j'ai déjà mangé. Donc. Ah, t'as déjà mangé? Non, mais ça, c'est la fatigue. Hein. Si tu manges pas. C'est clair. Bon, toi, t'as bien aussi? Oui, mais par contre, moi, je veux bien des croissants. Oui, je me doute bien. Ouais. Bon, et puis vous aussi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas mal de choses vont arriver. Déjà, on va écouter les Black Eyed Peas dans un instant. Nous aurons la ligne anti-relou. On appellera avec Toff. Bah, je sais pas encore où. Je sais même pas si lui le sait déjà, mais. Si nous allons faire des choses que Julie va adorer. Oh non, pas les trucs des animaux. Ça va encore être un truc soit pire, avec des enfants. Oh, dégueulasse. Bon, voilà, donc Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec bien évidemment les factures qu'on va vous rembourser dans quelques instants à 7h10, 8h10 et 9h10. Ah, pardon, j'ai vu après que tu me faisais un petit signe. Voilà, je voulais savoir. Tu voulais si que je participe à la conversation. Oui, et en fait, j'étais complètement ailleurs. Voilà, c'est un échec total. C'est pas grave. Bon, 6322, vous pouvez démarrer évidemment votre message par facture. On vous appellera d'ici une grosse demi-heure pour vous rembourser votre facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et c'est 1€ par message. Nous aurons également avec la petite devinette qui colle dans un instant la possibilité de vous offrir pas mal de cadeaux. Alors, on vous dira quand vous passerez en tonne ce que c'est. Il y a des écrans plats, 16/9. Il y a des appareils photo numériques. Bref, ça on verra tout à l'heure. Il y a des beaux cadeaux. Et oui, tout à fait. Et la petite devinette qui colle de ce matin, bah justement, tiens, on va en parler. Petite devinette qui colle, qu'est-ce qui arrive en général rose, c'est pas obligatoire, mais en général rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide. Bon, évidemment, s'il n'est pas rentré rose, il ne ressortira pas rose non plus. Attends, hein, donc, c'est ultra facile. Ah bon, je sais pas. Qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide. Enfin, moi, voilà. J'ai un truc qui me vient en tête et je crois que c'est ultra facile. Là, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, tu as la bonne réponse. Ah ben voilà, c'est facile là, les gars. C'était pas un gros sexe. C'est pas du tout ça que je dis. Pas ça le matin, bravo. Non, pas du tout. 63-22 si vous voulez vous inscrire, donc c'est 1€ par message, vous donnez la bonne réponse et vous repartirez peut-être avec un écran plat, 16/9, ou alors tout simplement avec l'appareil photo numérique. Qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide. Allez, bonne chance tout le monde. Et dans un instant sur Fun Radio et Black Eyed Peas. Et on vous offrira le scooter aussi tout à l'heure. On a bien avancé au niveau de la plaque, je vous en parle après. À la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. 6h30 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous débarquez. Mickaël à la radio, on est là jusqu'à 9h30. Et puis la petite devinette qui colle, là. Il y a toujours les écrans plats 16/9 à gagner, ainsi que des appareils photo numériques. Qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide? On proposait un bonbon, ce n'est pas ça, mais Dieu sait que c'est la même famille. Une sucette, ce n'est pas ça non plus. Un mouchoir, non plus. Un malabar, ça c'est une marque, donc c'est pas ça. On cherche vraiment le modèle du truc, quoi. Donc c'est pas un bonbon. Voilà, on proposait un fruit, t'es là, tu disais Julie. Je rigole avec ton le modèle, on cherche le modèle. Oui, c'est un modèle. À croire qu'on cherche une voiture. Oui, c'est un peu ça. Donc voilà, comme ça vous savez, il y a quelques indices qui ont été donnés. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ par message. Et du coup, je vous file aussi donc l'écran plat 16/9 ou alors l'appareil photo numérique. Bonne chance tout le monde. 7h30. Les infos maintenant avec Julie, les premières de la journée. Salut à tous, bonne nouvelle pour les communes qui ont été touchées par les inondations ces trois dernières années. La région Wallonne va débloquer un budget de 5 millions d'euros. Ces communes vont pouvoir avec cet argent construire des bassins d'orage et réparer les dégâts causés et provoqués donc par les trombes d'eau. Il n'y aura plus personne dans la prison de Verviers, elle sera donc vide en mars 2012. Il y a trop de sérieux problèmes d'humidité, d'instabilité et de normes d'incendie. Du coup, tout le monde dehors avant la catastrophe. L'évacuation des 190 détenus va commencer le 15 septembre. Les détenus vont être recasés dans les autres prisons du pays. Gros problème par contre pour les membres du personnel qui ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont devenir puisqu'ils n'auront plus de boulot. Les négociations pour essayer de former un gouvernement ont continué hier soir malgré le décès du frère aîné d'Elio Di Rupo, le formateur. Les huit partis et le formateur se sont quittés vers 22h45. Les discussions continue, mais les francophones d'un côté et les flamands de l'autre, c'est toujours le fameux dossier BHV qui coince. Personne n'arrive à se mettre d'accord. Ils se retrouveront aujourd'hui à 11h. Le prince Laurent n'est pas content. Hier, on a pu lire dans certains journaux que quand il allait assister à un mariage à Berlin, le fils du roi faisait pas mal de bêtises. Il se serait garé sur une place handicapée et il aurait emprunté un piétonnier avec son bolide alors qu'il avait une demi-heure de retard. Selon lui, la presse a diffusé de fausses informations. Le prince se dit être la victime d'un climat visant à porter atteinte à son honneur et à sa dignité. Même l'organisatrice de la soirée a dit que ce n'était que des bobards. On est sauvés. DSK va faire son comeback médiatique sur TF1 selon François. L'ex-patron du FMI a choisi Claire Chazal pour sa première interview depuis la fameuse affaire d'agression sexuelle présumée. DSK a choisi Claire Chazal parce qu'elle aurait, selon lui, été la plus empathique pendant l'incarcération et la procédure judiciaire. Elle aurait entre autres dit admirer la réaction d'Anne Sinclair, la femme de DSK, dans ces moments difficiles. La police allemande a saisi quelques 35 000 photos prises par un gynécologue à l'insu de ses patientes. Environ 3000 femmes auraient été photographiées par lui dans son cabinet. Le gynécologue, âgé de 58 ans, photographiait tantôt certains détails, tantôt le corps entier de ses patientes. Devant un tribunal, il risquerait une peine pouvant aller jusqu'à une année de prison ferme. Et puis enfin, est-ce qu'il va sortir un album ? Voilà, je m'attendais à une réaction de ta part. Je ne sais pas. Enfin, en sport, Marvin Ogunjimi ne va pas pouvoir aller se dorer la pilule sous le soleil de Majorque tout de suite. Le joueur de Genk a été transféré dans le club espagnol, mais le problème, c'est que le fax avec la fameuse signature est arrivé 7 minutes de retard, avec 7 minutes de retard par rapport à l'heure limite. Il va donc devoir attendre encore 4 mois pour jouer avec ce maillot, donc là-bas, sous le soleil. Bah, c'est dommage, parce qu'à Majorque, c'était le moment d'y aller, quoi. Ah, c'était un petit peu moins. Au mois de janvier, il fera plus frais, mais enfin, c'est con, quoi. C'est con. Ah, c'est un petit peu bête. La météo à 6h34. Oh, mais c'est une magnifique journée qui nous attend pour aujourd'hui. De la pluie partout et au moins 16 degrés au thermomètre. Soyez quand prudents même, hein. Et surtout, faites attention au coup de soleil. Ah oui, faites gaffe, mettez bien de la crème. Hein. Fun Radio. Fun Radio. 6h34 toujours, l'info en plus maintenant. Ah, c'est une info qui, enfin moi je dis voilà, c'est une jolie petite info pour commencer la journée. Allez, dis-nous. Alors l'histoire, c'est un habitant de Saint-Malo qui avait décidé d'aller se faire une petite moule frite dans le resto d'un casino avec son ami. Jusque là, c'est bien. Voilà, pas de chance, le resto est fermé, pas de problème. Oh. Le couple se dirige vers les machines à sous pour y jouer quelques centimes, 60 centimes exactement. Ouais. Ce père de famille, de 4 enfants, au chômage depuis 2 ans, est reparti avec plus de 425 000 euros. Ah ouais, quand même. Donc voilà, il a joué quand même 60 centimes. Machine à sous, donc apparemment c'est possible de gagner. Moi, mais c'est aussi un petit peu l'info du jour. C'est mais possible oui. de d'ailleurs, gagner avec les machines à sous. Demain, l'euro million, je vous le prouverai. Oui, bien sûr. Et donc, le regagnant. Le regagnant a dit qu'il souhaitait partir en voyage avec cet argent et surtout s'acheter un scooter parce qu'il n'a pas le permis. Ah, bah ouais, bah pourquoi pas. Mais tant mieux, mais c'est bien que ça tombe chez les gens qui n'ont jamais gagné. Pas comme bah le grand Corée qui gagnait deux fois de suite à l'euro million. Ouais, il y en a pas mal. J'avais vu tout un reportage là-dessus sur des gens qui jouaient plusieurs fois et qui avaient gagné des sommes comme ça, deux, trois fois. Sur Alice, quoi. Mais bon, tout ça pour dire qu'on joue aussi à l'euro million avec vous. Hey, on a quand même gagné 183 euros mardi à l'euro million. Wow, qu'on va partager avec les auditeurs. Bah, c'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal. 10, 13 euros chacun. Wow. Bah, non, 180, ça fait déjà 18. Pardon, autant bon. Ah ouais, bah ouais, il est pas là pour. Moi je trouve ça pas mal. De toute façon, il doit dénigrer tout le temps. Voilà, donc l'euro million, si vous voulez jouer, c'est demain soir, 146 millions d'euros à gagner. C'est-à-dire que vous jouez 146 millions et 130. Oui, bah non, 186. Mais qu'est-ce qu'il a comme obsession avec 130? Je sais pas. Ah, je sais pas. C'est dingue ça. Voilà, 63-22, débutez le message par million et vous serez peut-être tiré au sort pour jouer avec nous et donc avoir plus de chances de gagner à l'euro million. Allez, les Black Eyed Peas maintenant sur Fun Radio à 6h35. Bon réveil tout le monde, c'est Don't Stop the Party. Les Black Eyed Peas sur Fun Radio avec Don't Stop the Party à 6h39. Je vous rappelle la petite devinette qui colle pour les écrans plats 16/9 à gagner, ainsi que les appareils photo numériques. Faudra choisir. Qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide? Alors, je veux bien deux réponses, car à Liège, on ne dit pas la même manière. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc les Liégeois peuvent donner aussi une autre réponse. Ce n'est pas un problème. Voilà. Qu'est-ce qu'on proposait? Le bonbon, non, c'est pas ça. Son pouce, c'est pas la bonne réponse. Un homard non plus, ce n'est pas la bonne réponse. Ah, son pouce, c'est pas mal. Ah, le pouce, c'est pas mal. Le pouce, c'est pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro par message, écran plat 16/9 à gagner et appareil photo numérique. Qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide? La bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde. Bon, on va parler de Cristiano Ronaldo aussi, le joueur du Portugal et du Real. Ah ouais, non, grande nouvelle parce que monsieur Cristiano Ronaldo, il a pas assez d'argent, donc il se lance un petit peu dans le cinéma. Enfin bon, disons qu'il fait ses premiers pas en tant que d'acteur. Bon, cela dit, il est bon, hein, quand il tombe et qu'il a mal, tout ça, c'est quand même quand même ça, une oui. certaine comédie. Oui, hein. Ça, oui, c'est vrai. Il a déjà pris quelques cours sur le terrain. Ah, ouais, ouais. Et bien, écoute, il va tourner dans un documentaire que lui-même, il a mis en place. Et ah, donc, c'est lui qui produit tout. Oui, ah, oui exactement. Okay. Et donc, dans ce documentaire, on va le voir en train de faire du sport, d'évoluer avec des scientifiques qui l'entourent pour effectuer des tests sur ses capacités physiques dans un laboratoire, etc. Et ça va s'appeler Ronaldo Tested to the Limit. Tested to the Limit. Ok, Tested to the Limit. Ah oui, d'accord. C'est vraiment pour tout un documentaire autour de ses capacités physiques, quoi. Donc, le gars, il n'a pas du tout un melon gros comme. Pas du tout. En même temps, avec tout ce qu'il a, comme pognon, c'est un truc de fou. Enfin bon. Ouais, mais ce type est d'une débilité absolue. Hein. Bah, ouais, mais enfin bon. Il pouvait pas tout avoir. Bah, il met des buts, hein. Après, c'est le principe, c'est tout ce qu'on lui demande, hein. Oui, mais il est moche, hein. Il est vraiment affreux. Bah, ça dépend. Après, c'est une question de goût aussi, hein. Ah non, non, moi je pense vu, que tu viens de te mettre à dos plein de gens, là. Ah non, non, mais c'est ça, parce que les filles pensent qu'il est beau, mais non, les filles, moi je l'ai vu en vrai de près, il est moche. Elle l'a touché, elle l'a couché avec. Non, pas du tout. Si tu compares avec, je sais pas moi, joueur français Ribéry. Hein, Cristiano Ronaldo, oui. T'aimerais bien que ce soit le père des enfants si tu dois choisir entre les deux. Hein. Oui, ça c'est vrai. Il me semblait aussi. Non, ouais. C'est pas sûr parce que Ribéry, il l'a pas fait exprès sa tête. Ah oui, ouais, c'est vrai. Oui, c'est un accident, Ribéry. Ouais, c'est vrai, c'est un accident. C'est peut-être vrai, qu'à la base, il est très beau. Hein. Oui, peut-être à la base. 6h41 sur Fun Radio, bon réveil. Dans un instant, c'est les MFAO. Avec Champagne Shower, c'est toujours partant la petite devinette qui colle. Qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide? La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ par message. Écran plat 16-9e à gagner. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h46, bon réveil tout le monde et on fait un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Alors pour l'instant, pas d'accident à signaler, je vous rappelle qu'il fait très glissant, donc oui, roulez prudemment. Beaucoup. Et pour vous forcer à lever le pied, je vais vous signaler un radar sur le 42 Mons vers Tournai entre Perouet et Tournai Est. Oui, bah certains vont juste lever le pied à ce moment-là et puis repousser sur le pied après. Hein. Ah ben on ne sait jamais, peut-être que j'aurais sauvé quelques vies. Peut-être, c'est vrai. Mais oui, c'est mignon, c'est beau. Bon, on va passer maintenant au moment où vous attendez tous. Alors non pas le paiement des factures, ça aussi vous l'attendez tous, mais bien la ligne entière. Relou. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, pour un monde sans relou. Chaque matin, on passe les meilleurs messages. Les messages de gens qui se sont fait piéger car ils ont appelé leur future copine et en fait sont tombés sur notre répondeur. C'est-à-dire le 0473 86 0013 0473 86 0013. Voilà, quand vous croisez un relou, enfin en l'occurrence quand lui vous croise plutôt, eh bien donnez-lui ce numéro de téléphone-là. Il pensera que ce sera le vôtre et donc forcément va continuer à être relou mais sur notre répondeur. Et puis nous, on se charge du reste. Par exemple, eh bien, vous diffusez le cru de ce matin. Écoutez le premier. Samantha, toi qui disais que t'avais jamais vu un mec comme ça, ben rappelle-moi. Okay, j'ai vu un mec comme ça. Allez, non, il a fait plus fort que ça. Ouais, je sais. Ouais. On va se le remettre, c'est pour le sport. Faudra que tu t'entraînes. Samantha, toi qui disais que t'avais jamais vu un mec comme ça, ben rappelle-moi. Il est bon, lui. Hein. Ah, le mec, il te fout la patate dès le réveil, quoi. Ah, il est à mourir de rire. Ah, lui, il est bon. Lui, il est bon. C'est un champion du monde. C'est génial. Le deuxième de ce premier cru de ce matin. Aurélie, c'est Alex. Je suis sur le parking du Mino ici, tu m'as donné rencard. Il y a une demi-heure, je suis là, je te vois pas. Non, moi je vois aussi des belles femmes rentrer. Je vais rentrer, hein. Je vais rentrer et me faire des femmes, moi. Allez, je rentre à l'intérieur et je serai là quelque part. Salut. Oh, c'est l'autre, il lui met la pression, tu vois. Ouais, genre il y avait, je vais aller me faire des femmes, tu vas passer à côté de moi, je te préviens. Ah ouais, tant pis. Hein, Germaine, je te préviens, tu vas me perdre. Non, attention. Ah là, pour l'instant, vous avez un bon cru, hein. Ah oui, là, c'est du très très lourd ce matin, je suis contente là. Attention, le troisième. Est-ce que Julie est fan de relou, hein? Mais mais elle adore. Elle adore, attention, je suis quand même, non seulement elle adore, mais en plus elle est fan de Yepa. Et oui, Yepa aussi d'ailleurs, elle l'adore, hein. C'est pour ça. Yepa, c'est dans une nouvelle émission de. C'est bien. Attends, c'est quoi? C'est les Ch'tis Aïdes. Qui va bientôt passer sur Plug RTL. On vous en avait parlé hier, il n'y avait que du lourd. Bon, allez, le troisième message maintenant qui a été laissé sur les lignes anti-relou ce matin. Est-ce que le cru va être 100% bon? Nous verrons. Ouais, Martin, c'est toujours Zaza, puis tu m'as donné rendez-vous à la gare de Wii et je ne te vois pas, alors je te sens, je te demande pour savoir où tu es et dépêche-toi parce que je suis dehors et j'ai froid, quoi. Allez, tantôt. Ah ouais. D'accord. Ouais, lui par contre c'est pas un relou, il me fait de la peine. Moi il me fait un peu de peine. Ouais. Il me fait juste un peu de peine. Bon, enfin bon. Ouais. Bon, ligne anti-relou qui revient dans moins d'une heure, ce sera 8h moins quart, pardon. Comme chaque matin, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart sur Fun Radio. On paiera vos factures aussi dans un instant. On vous offrira le scooter où il y a eu de l'avancement hier avec Lucas. On a trouvé, je sais plus si c'est un chiffre ou une lettre en plus, mais on vous en parlera dans un instant. Je vous rappellerai les lettres et les chiffres qu'il y a déjà de découvert. Et je crois qu'il reste plus que une lettre et un chiffre à trouver. Pour découvrir la plaque. Alors attends, ça se resserre là. Donc, y a ça moyen. Commence à se resserrer pas mal. Voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis bon, on va écouter les MFAO maintenant avec Natalia Kills. Et je vous rappelle toujours la petite devinette 6322 pour envoyer vos réponses. Qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou-rose et humide? Bonne chance tout le monde, il y a un écran plat 16/9 à gagner. Il est 6h50. Les MFAO sur Fun Radio avec Champagne Showers, 6h53. Bon réveil tout le monde. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec les factures qu'on vous remboursera tout à l'heure. Si vous voulez avoir une chance qu'on vous les rembourse, n'hésitez pas à vous inscrire également au 6322 en débutant le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Ça va arriver dans un peu plus d'un quart d'heure. Voilà. Et puis je vous rappelle aussi la petite énigme, la petite devinette qui colle là. Qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide? Voilà. Pardon, non, ce n'est pas ça non plus. Voilà. Pour info, ça n'est... La réponse qu'on cherche ne s'écrit pas C-H-E-U-W. Voilà. C'est un petit indice, c'est des propositions qui viennent d'arriver. Hein. J'étais en train de caler là-dessus aussi. Je me dis, ah, donc on écrit ça comme ça. Ah non, d'accord. Pas du tout. Voilà, un bonbon marshmallow. Non, c'est pas ça non plus. Hein. Voilà. Donc si vous avez la bonne réponse, c'est pas sa langue non plus. Hein. C'est le message qui avait été proposé. Hein. Ce n'est pas un préservatif. Et comme je l'ai dit, les Liégeois ont droit à répondre de deux manières différentes, puisque là-bas, on n'appelle pas ça comme ailleurs. Voilà, on va dire ça comme ça. 63-22, il y a des écrans plats 16/9 à gagner, des appareils photo numériques. Je répète une dernière fois, qu'est-ce qui arrive rose, dur et sec et ressort mou, rose et humide? À savoir que rose n'est pas forcément la couleur obligatoire. Non, il y a d'autres couleurs. Il y a d'autres couleurs, bien évidemment. Bon, ce matin, tu vas prendre la tête à qui encore, Toff? À des pauvres gens, j'imagine, comme d'habitude. Bah, pauvre, je sais pas, mais ça gagne combien une infirmière? Ah, ça y est, tu vas encore pas essayer de réaliser chose, tes fantasmes, hein? Ça sert pas à ça l'émission, hein? Non. En fait, c'est parce que j'ai vu un article là, tout à l'heure, sur internet. En fait, c'est un donneur de sperme qui a donné naissance à plus de 150 enfants. Ouais. Ils les ont pas encore tous retrouvés. Du coup, ça m'a donné l'idée d'appeler une maternité pour essayer d'échanger le mien, quoi. Tu veux échanger un gosse? Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, tu sais, je l'ai repris à la maison et comme il me convient pas, il est trop chiant et tout. Mais ça peut pas marcher, ça. Bah pourquoi? Attends, j'ai pas encore passé les 7 jours de rétractation. Non, mais c'est un bébé, c'est pas un téléphone. Ouais, mais c'est pareil, c'est la même chose, tu vas voir. Ah ouais, d'accord. Mais oui. Bon, écoute, on va essayer, on va appeler où? On va appeler à Hatt. On appelle à Hatt. Allez, oui. C'est parti. Bon, bah appelons à Hatt, même si à mon avis c'est morné. Mais, enfin, mais non, enfin, mais non, c'est morné. Oui. Pardon. Bon, j'ai pas fait. Allô, la maternité? Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai l'impression que vous vous êtes trompée. Oui, dites-moi. Ben, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'enfant que j'ai ramené à la maison n'est pas le mien. Ah bon? Oui. Et c'est... pourquoi? Ben, je le trouve un petit peu surexcité et je trouve qu'il ne me ressemble pas du tout. Alors je me demandais si peut-être vous auriez pas pu intervertir à un moment. C'est quand même bizarre, là, ce que vous me racontez. Ben, oui, ben, c'est bien ce qui me semble, madame. C'est quand même bizarre, parce que bon... Ben oui, mais alors dites-moi, quand est-ce que votre bébé est né? Quel est le nom de la maman? Ben écoutez, donc elle s'appelle Fabienne. Oui, son nom de famille? Bah, écoutez, non, là vraiment, c'est. Non, ce n'est pas possible. Bah, pourquoi? Bah, parce que, enfin, voilà, en fait, moi, mon problème, c'est que je trouve que cet enfant ne me ressemble pas. En plus, il est bruyant, il n'arrête pas d'hurler. Alors, je voulais savoir si, bon, si je pouvais pas vous l'échanger contre un autre plus calme. Dites, monsieur, vous blaguez là ou pas? Je ne sais pas, mais c'est pas très rigolo ce que vous me racontez là. Bah, hein. Non, mais madame, de toute façon, ça se verra pas. Les gens, ils s'en rendront pas compte. Bah oui, après, c'est tout. Dites, non, là, je raccroche et je ne continue pas la conversation. Bah, attendez, hein. C'est, mais... C'est une mauvaise blague et puis c'est tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, j'aurais voulu choisir la couleur. La couleur, bien entendu. Eh bien, échec total. Oui, je pense qu'on peut le dire. Hein. Échec total. Donc, bon, bah tant pis, on réessayera dans une autre maternité tout à l'heure. Voilà. Voilà, merci encore pour ce thème choisi, Top. Ça me fait plaisir. Oh bah c'est toujours, hein, c'est bien, c'est pour rendre service, tout ça, il n'y a pas de malaise. Il est très fort. Hein, aucun malaise. Bon, je vais vous parler. Merci pour une fois qu'il dit du bien de moi. Ouais, bah, pour une fois. Ouais. Je vais vous rappeler maintenant que vous allez pouvoir jouer aussi pour gagner le scooter, le Kymco Like 125 cm3, qui vaut quand même près de 2000 euros. Hein, c'est quand même pas mal non plus. Et en plus de ça, si vous passez à l'antenne, même si vous ne gagnez pas le scooter, vous gagnez quand même 25 euros de carburant pour aller chez Octa Plus pour faire le plein, en fait, en l'occurrence, avec les 25 euros. Donc voilà, bonne chance, 63-22, vous débutez votre message, bah, vous mettez la plaque que vous imaginez avec vos coordonnées complètes, vous débutez par scooter, puis vous mettez la plaque et vos coordonnées complètes. Et la plaque, pour l'instant, c'est 1, M, puis on sait pas, puis M de nouveau, puis 2, puis 4, et puis on sait pas. Ce qui veut dire qu'il Attends, ne reste donc que... il y a deux lettres et deux chiffres qui ont été trouvés. Ouais, donc il reste un chiffre et une lettre à trouver. Ah ouais, non mais bah ça va. C'est tout ce qui reste. 63-22, vous débutez le message par scooter avec bah, la plaque que vous imaginez tout simplement et puis vos coordonnées. Donc la plaque, les numéros qu'on a déjà trouvés et chiffres qu'on a trouvés, c'est 1, M, puis on sait pas, puis M, puis 2, puis 4, puis on sait pas. Voilà. Bonne chance tout le monde. On donnera la réponse dans un instant et nous avons la réponse aussi maintenant pour la devinette qui colle. Oui, avec Romain, 17 ans de ciné, qui est déjà à la bière. Magnifique. Normal. Salut Romain. Ciné, hein. Bah oui, oui, oui, oui. Salut Romain, comment vas-tu? Oh bah ça va hein. Bah ça va tant mieux alors hein. Sois le bienvenu, ouais, ouais. Sois le bienvenu Romain. T'appelles de ciné donc comme on le disait. C'est ça? Ouais. Très bien. Ouais, bah oui mais c'est bien aussi hein, ciné. Et donc tu nous appelles pour la réponse à la petite devinette qui colle. Je vais la répéter rapidos. Qu'est-ce qui arrive rose du sec et ressort mou rose et humide? Oula. Oui ça va arriver dans un instant ça. Un chewing-gum, effectivement, c'est une bonne réponse. Eh bien bravo. Merci. À toi, mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Et puis c'est trop facile. Oui, il y a tout qui part tout seul, hein, c'est pas grave. Bon, ah, mais on a l'habitude avec toi, tu ne sais pas gérer ta console. Mais non, mais le truc qui part tout seul, qu'est-ce que j'y peux moi? Bon, en tout cas, bravo à toi. Tu repars avec les cadeaux comme promis et tu retournes chez Toff au standard, d'accord? Merci. Je t'en prie, à bientôt. Ciao. Allez, ouais. Salut à toi. Et donc comme vous avez pu l'entendre, hein, dans un instant il y aura. Voilà. Maintenant tu peux y aller. C'est Luna qui arrive avec Vamos a la Playa et les infos dans 30 secondes. On est de retour sur Fun Radio, bientôt 7h, et puis la petite question qui colle maintenant, hein, c'est plus la devinette, c'est la question qui colle. Qu'a demandé la marque Lacoste à la police norvégienne? Par rapport à l'auteur des attentats d'Oslo. Ça va vous donner un petit indice. Ah d'accord. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 là encore, des cadeaux à gagner évidemment. Bonne chance tout le monde. Et puis l'info maintenant, c'est parti. Et à 7h pile, on démarre les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, bonne nouvelle pour les communes qui ont été touchées par les inondations ces trois dernières années. La région Wallonne va débloquer un budget de 5 millions d'euros. Ces communes ne vont pouvoir avec cet argent construire des bassins d'orage et réparer les dégâts causés par les trombes d'eau. Il n'y aura plus personne dans la prison de Verviers en mars 2012. Il y a de trop sérieux problèmes d'humidité, d'instabilité et de normes incendies. Du coup, tout le monde dehors avant la catastrophe. L'évacuation des 190 détenus va commencer le 15 septembre. Les détenus vont être recasés dans les autres prisons du pays. Gros problème par contre pour les membres du personnel qui ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont devenir puisqu'ils n'auront plus d'emploi. Les négociations pour essayer de former un gouvernement ont continué hier soir malgré le décès du frère aîné d'Elio Di Rupo, le formateur. Les huit partis et le formateur se sont quittés vers 22h45. Les discussions continuent mais les francophones d'un côté et les flamands de l'autre. C'est toujours le fameux dossier BHV qui coince, surtout du côté du MR. Personne ne veut se mettre d'accord. Ils se retrouveront tous aujourd'hui à 11h. Le prince Laurent n'est pas content. Hier, on a pu lire dans certains journaux que quand il allait assister à un mariage à Berlin, le fils du roi faisait pas mal de bêtises. Il se serait garé sur une place handicapée et il aurait emprunté un piétonnier avec son bolide alors qu'il avait une demi-heure de retard. Selon lui, la presse a diffusé de fausses informations. Le prince se dit être la victime d'un climat visant à porter atteinte à son honneur et à sa dignité. Même l'organisatrice de la soirée a dit que ce n'était que des bobards. DSK va faire son comeback médiatique sur TF1. C'est une information de France Soir. L'ex-patron du FMI a choisi Claire Chazal pour sa première interview depuis la fameuse affaire d'agression sexuelle présumée. DSK a choisi Claire Chazal parce qu'elle aurait, selon lui, été la plus... elle aurait été la plus empathique pendant l'incarcération et la procédure judiciaire. Elle aurait entre autres dit admirer la réaction d'Anne Sinclair, la femme de DSK, dans ces moments difficiles. Et puis un avion russe s'est écrasé au nord-est de Moscou, tuant 40 des 45 personnes à bord. Ça, c'est violent. L'avion transportait une équipe russe de hockey. 5 vedettes du hockey mondial figurent parmi les victimes. Le premier survivant est un joueur et l'autre est un steward de la compagnie Yak Service, exploitant de l'appareil. Et enfin en sport, sport, Marvin Ogunjimi ne va pas pouvoir aller se dorer la pilule sous le soleil de Majorque tout de suite. Le joueur de Genk a été transféré dans le club espagnol, mais problème, c'est que le fax avec la signature est arrivé avec 7 minutes de retard par rapport à l'heure limite. Il va devoir donc attendre au minimum janvier, donc le prochain mercato, pour pouvoir aller jouer là-bas. Et c'est dommage pour lui. 7h03, faisons un tour rapide vers la météo. Je pense que c'est pas la peine de écoute, perdre trop météo de temps. Magnifique aujourd'hui, une journée d'été extraordinaire, Estival. De la pluie partout et au moins 16 degrés au thermomètre. N'oubliez pas la crème solaire pour les coups de soleil. Faites attention. Oh, mettez un peu de mode, vous pouvez y aller. Hein. Ah bah alors. Oui, vous pouvez y aller. Faites-moi confiance. Dans 30 secondes, restez là, l'info en plus. Fun Radio. 7h04 sur Fun Radio, on est de retour. Tiens, il y a un message qui est arrivé au 3044 qui dit: bonjour la room, Julie, t'as la même voix que Clara Morgan, bonne journée. C'est Sébastien le chauffeur triste parce qu'il pleut et qu'il ne verra pas de jupe du haut de son camion. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, t'as la voix de Clara Morgan alors? Pauvre, je ne sais pas du tout. D'accord, ok. Bah, je ne sais pas. Croire Sébastien, visiblement, c'est oui. Plutôt les hommes qui connaissent un peu la voix de Clara Morgan. Hein, je sais pas, je l'ai jamais entendu parler. Oui, voilà, ça n'est pas ton. Plutôt crier, j'imagine. C'est ça, voilà. C'est ça. D'accord. Bon, alors l'info en plus. Alors moi j'avais dégoté une petite info en plus que je trouvais pas mal puisque c'était quand même une info concernant le fait d'arrêter de fumer. Ah, donc parce que Julie a arrêté depuis un mois. Ouais, moi j'ai arrêté depuis maintenant un peu plus d'un mois. Un mois et demi, s'il te plaît. C'est vrai. Alors c'est une expérience pilote qui a été donc effectuée en Angleterre qui montre que le fait d'envoyer régulièrement des SMS d'encouragement aux fumeurs en période de sevrage, eh bien ça les aide à tenir le coup. Donc ils ont fait l'expérience, ils ont divisé des fumeurs qui arrêtaient de fumer en deux groupes. Le premier groupe a reçu des petits messages tous les jours, genre tiens le coup, c'est le bonjour, je te jette tes cigarettes, tu vas pouvoir y arriver aujourd'hui. L'autre groupe n'a reçu aucun message. Eh bien on a pu voir qu'après une période d'abstinence de 6 mois, eh bien le groupe qui avait eu les petits messages, eh bien deux fois plus de personnes ont réussi à arrêter. Ah ouais. Donc t'as reçu des petits messages toi? Mais écoute, non. Elle avait son chéri qui l'encourageait. J'avais mon chéri avec moi, oui. C'est qui ça, m'encourageait. Ils s'entraidaient tous les deux l'un l'autre. C'était beau. Bon, bah très bien, à la fois en plus. Dites-nous, tiens, si vous avez des trucs hein, pour arrêter la clope, par exemple, ça peut être bien. 30-44, ça pourra peut-être en aider, tout simplement. 63-22 également, avec la réponse à la petite question qui colle. Qu'a demandé la marque Lacoste à la police norvégienne? C'est par rapport à l'auteur des attentats d'Oslo, en fait. Et donc, la marque a une demande bien particulière et qu'elle a demandé à la police. Voilà. La réponse 63-22, il y a des cadeau pour vous et à 7h05 on va s'écouter le son de Luna maintenant. Luna avec Vamos a la Playa et on paiera vos factures juste après. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial, c'est énorme ce que vous faites tous les matins entre 6h et 9h30. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Le son de Luna à l'instant sur Fun Radio avec Vamos a la Playa et nous avons avec nous maintenant Maud qui est là à 7h09. Bonjour Maud de Wemel. Bonjour. Comment vas-tu Maud de Wemel? Ça va très bien, vous? Ben, ça va bien. Wemel, c'est juste à côté de Bruxelles, donc 104.7 pour écouter Fun Radio à Wemel. Et tu nous appelles, Maud. Alors, déjà, quel âge as-tu, Maud? 17 ans, très bien. Donc presque l'âge pour le... Non, déjà l'âge pour le scooter, donc. 125 cm3, le like de chez Kimco, valeur quasiment 2000 euros. Et sache que tu as toutes tes chances de le remporter, puisqu'il faut deviner la plaque du scooter, qu'on avait trouvé des numéros et des chiffres hier. Chez Lucas, on a encore trouvé d'autres. Et donc, la plaque, il manque une lettre et un chiffre. On a le 1, on a le M, et puis on sait pas. Et puis, attends, j'ai pas de conneries. Et puis, on a de nouveau le M, puis on a le 2, puis on a le 4, et puis on ne sait pas. Alors, à ton avis, quelle est la plaque du scooter? Le 1, le M. Oui, le 1, oui, parce que le 1, évidemment, c'est la plaque, c'est ce qu'il y a en Belgique, la nouvelle plaque, machin. Donc oui, le 1, le M, et puis le ouais. Le M de nouveau, quoi. Ouais. Le 2, ouais. Le 4, ouais. Et le 7. Et le 7. Alors, roulement de tambour, suspense. Malheureusement, les deux manquants ne sont pas les bons, Maud. Oh. Ah ouais, c'est dommage. Non, ils sont même pas mal placés ni rien. Bon, enfin là, ils peuvent plus être mal placés puisque c'est une lettre et un chiffre qu'on cherche, donc tu peux pas mettre le chiffre à la place de l'autre. Oui, ça c'est sûr. Mais ce serait compliqué. Bah oui, ce serait. Oui. Bon, bah ce écoute, serait tu... con, surtout. Oui, ce serait con. Mais je suis désolé surtout. Mais tu vas quand même repartir avec les 25 euros pour aller mettre de l'essence chez Octa Plus quand tu veux, avec la voiture que tu veux, la moto que tu veux, avec ce que tu veux. D'accord? Pas de problème, merci beaucoup. Bon, ben je t'en prie. Gros bisous à toi, Maud, et passe une bonne journée. Allez, à bientôt, ciao. Et puis on va payer les factures maintenant. Vous êtes nombreux à attendre ce moment avec impatience. Chaque matin, on vous paye vos factures, c'est parti. Tous les matins, Fun Radio. radio paye vos factures. Mais oui, mais oui, mais oui. 63,22, c'est aussi 1 euro par message. Vous débutez par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. On demandait 378 euros pour la taxe auto, 159 euros pour le précompte immobilier, 139 euros pour Marianne qui a acheté un appareil photo, un prêt hypothécaire de 420 boules, 10 652 euros pour le prêt voiture. Oui, ne vous enflammez pas non plus, hein, on n'est pas Crésus. 845 euros pour le cadastre, 110 euros pour un PV, c'est Kate, c'est mal les PV Kate, il fallait mieux rouler. Au moins faire des conneries, voilà. On leur arrêter de rouler tout court. Hein. Oui, aussi, oui. Cédric aussi qui dit 90 euros pour le comptable, 477,38 euros pour l'assurance voiture, 171 euros pour l'assurance habitation, 399 euros pour une télé-écran plat, alors qu'on les offre tous les matins. Vous gaspillez de l'argent ça, vraiment c'est pour un peu rien. Dommage. Hein. C'est quand même catastrophique. Participez à nos petits jeux. Mais oui, voilà. Voilà, 63,22 débuté par facture. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite tout à l'heure ou n'importe quand en fait, tout simplement. Allez hop, c'est parti. Ça ne téléphone pas des masses. 9, 8, eh ben bravo. 0. Eh ben très bien. Ouh, on va pas donner tout le numéro de téléphone à l'antenne, non, évidemment. Ça serait dommage. Ah oui, ce serait surtout oui, pas bien. Ah, voilà. Mais la personne. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Bon, ça a coupé ou ça a pas coupé? C'est quoi ce bordel? Ça marche pas? Ça ne marche pas. Non, bon. ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, bah c'est le répondeur, c'est pas grave, tant pis. On n'aura pas eu l'occasion de laisser un message, je suis bien triste, mais c'est pas grave. La bonne nouvelle pour tous les autres, si tu veux. C'est que. Si tu veux, mais bon, la bonne nouvelle en tout cas, enfin, sauf si c'est pas le répondeur, mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui vont jouer maintenant entre 7h10, enfin 7h12 et 8h10 auront toutes les chances de gagner la possibilité qu'on les rappelle pour la facture, puisque je ne sélectionnerai que cela. Entre 7h10 et 8h10, une heure pour vous inscrire. Plus 63, de chances 22. De gagner. Là pour le coup, ouais. 63,22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Bon, bah, te casse pas la tête, hein, Toff. On va pas y passer la journée. Ah bon. Sauf si ça marche là maintenant. Mais... Non, ça ne marche pas. Non. Bon, bah voilà, tant pis, c'est le répondeur deux fois, c'est pas grave. Voilà, ça fait. For English, press one. Ah bah, très bien. Bon, bah, ça ne marchera pas plus. 63,22, bonne chance tout le monde. Et dans un instant, c'est Shana Paul qui arrive avec Got to Love You sur Fun Radio, 7h13. Merci Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpi kai, pauvre con. Le son de Sean Paul à l'instant sur Fun Radio à 7h18. Bienvenue si vous débarquez. On va faire l'horoscope, ça me paraît un bon plan, ça. Fun Radio. L'horoscope. Ah, si on faisait l'horoscope, là. Pas du tout. J'ai fait la guêpe aujourd'hui. Ah bon, mais pourquoi maintenant? Bah, chez vous, on peut pas glander au travail, mais on a le droit de grève. Alors moi, au final, je me dis c'est la même chose. Non, Doudou, la grève, c'est quand on revendique quelque chose, là. Bon, vous avez des demandes? À part faire la sieste? Non. Bon, ah bah voilà, on fait l'horoscope alors. Les béliers, Doudou. Ah bon, vous êtes comme ça, vous? Oui. Bon, bah. Alors, bah, les béliers, si vous vous sentez abattus, c'est que vous avez trop donné au travail. Ah bah, ça doit être ça. Voilà. Les taureaux. Financièrement, vos efforts vont vous conduire à la réussite si vous continuez à travailler avec détermination. Les gémeaux. Si vous avez négligé l'amour ces derniers temps, vous avez toutes les chances pour vous rattraper aujourd'hui. Les cancers. Les sentiers battus ne sont pas bons pour la relation à long terme. Alors, il faut changer ça. Les lions. Faites une pause pour mettre de l'ordre dans vos idées. Les vierges. Vous ne travaillez pas bien en étant sous pression. Les balances. Flirtez autant que vous pouvez car les étoiles de l'amour vous sont de plus en plus favorables. Les scorpions. Un changement d'air vous ferait le plus grand bien. Les sagittaires. Alors, soyez plein d'assurance et courage, les étoiles sont favorables et vous réussirez plus de choses que vous ne le croyez. Les capricornes. Répondez aux avances d'un ou d'une collègue. Il ne fait pas semblant, ses sentiments sont vrais. Les Verseaux. Vous surmontez toutes les difficultés en vous montrant habile. Et enfin, les poissons pour terminer. Vous avez tendance à exagérer. Vous risquez de rencontrer des problèmes si vous continuez comme ça. Eh ben voilà. Bon, merci beaucoup, Doudou. À tout à l'heure dans une heure. Oui, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Parce que j'ai pas le doigt le fait, bref. Ouais, bah faites la sieste. Vous avez une petite heure là. Très bien, maintenant. On va donner la réponse aussi dans quelques instants à la petite question qui colle. La question qui colle, c'était qu'a demandé la marque Lacoste à la police norvégienne. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1€ par message. Bonne chance, tout le monde. Il y a des cadeaux évidemment pour vous. Et puis, Jazzy Linkin Park, on va s'écouter Numb maintenant sur Fun Radio. Bon réveil. Le son de Jazzy à l'instant sur Fun Radio. Jazzy avec Linkin Park. C'était Numb sur Fun. Très bon son, ça fait plaisir, ça tient. Et 7h24 sur Fun Radio. Et on l'attendait avec impatience, Toff. Les magnifiques critiques cinéma du magnifique Benzov. Ah, mais je vois que Monsieur Robinetto est de retour. Bonjour Monsieur Benzov, salut Robinetto. Bonjour Michel. Non, c'est Mickaël, Monsieur Benzov, Mickaël. Bon, alors okay. Comment ça va Monsieur Robinetto là? Oui, parce que Monsieur Benzov nous a raconté, enfin, votre frère là nous a raconté que la semaine dernière vous avez eu un petit accident, que le chien de Belmondo vous avait mordu le nez ou un truc comme ça. Ah oui Mickaël, et je peux vous dire que ça fait super mal. Ah. Mais vous avez la voix d'Homer Simpson. Mais oui, bien sûr, mais... Et toi, Robinetto, monsieur Toff, frère a perdu son nez, les médecins ont dit que sa voix ne serait plus jamais la même. Ah oui, ça, je peux confirmer, hein. Ça fait un choc d'entendre monsieur Robinetto, hein, parce que... avant, il avait une voix bien grave, une voix fascinante. Ah oui, c'est vrai qu'avoir le nez de Michael Jackson et la voix d'Homer Simpson, c'est fascinant. Écoutez, si vous étiez dans notre situation, monsieur Mickaël, vous ne diriez pas la même chose. Ce n'est pas vous qui habitez dans une caravane avec votre famille. Oui, mais ça va pas tarder. Bah, qu'est-ce que vous entendez par là, Robinetto? Hein, moi, défendre frère, c'est tout. Oui, enfin, c'est un peu exagéré quand même, là, hein. Mais non, mec, mais c'est de l'humour ukrainien. Monsieur Menzov m'a dit que si je ne lui laissais pas la place, il allait sortir un couteau pour m'égorger. Ah, c'est sympa, et t'as fait quoi? Je lui ai laissé la place, hein, et puis bon, après, je lui ai chié dessus pendant 2 mois. Oui, mais enfin, ça devient une maison de dingue ici, là. Pardon, monsieur Mickaël, je ne suis pas fou. Je suis le plus grand directeur et réalisateur du monde. Ah, mais c'est pas une sirène là qu'on entend derrière là? Ah, si, je confirme, hein. C'est peut-être la police, hein, pour la caravane de monsieur Menzov. Vite, on descend, Robinetto. Bon, monsieur Menzov! Monsieur Menzov! Bon, bah, il est parti sans dire au revoir, hein, c'est pas très grave. Hein. À mon avis, c'est la sirène du marchand de glace qui ressemble à celle de la police ukrainienne, hein. T'imagines, Mickaël? Ouais. Et monsieur l'agent, je prendrai un cornet pistache et une dame blanche. Ouais, c'est ça. Bon, bah, il manque plus que le docteur Caillou là et on pourra ouvrir un cirque. Bah, ça promet pour mercredi prochain. C'était les magnifiques critiques cinéma du magnifique Benzov. Rendez-vous la semaine prochaine. Non, c'est bon, ça va aller, Toff. C'est gentil, ah, c'est gentil. Ouais, bon. On retrouvera la semaine prochaine peut-être alors, hein. Peut-être, oui. 7h25, on a la réponse maintenant là, de la question qui colle. Bonjour, qui est là? Nous avons Marek. Salut Marek. Bonjour, c'est Marek. Comment ça va Marek? Ça va très bien, très bien. T'as quel âge et t'appelles d'où? Quand on me téléphone, ça va toujours super. Tu as quel âge et t'appelles d'où Marek? 35 et j'appelle de Mont-Saint-Guibert. De Mont-Saint-Guibert. Oh oui, c'est tout à fait. Très charmant, Mont-Saint-Guibert. Exactement, où on écoute Fun Radio sur 105.5, d'ailleurs, pour la petite information. Tout à fait. Bon, Marek. Tous les jours. Exactement. La petite question qui colle, as-tu la réponse qu'a demandé la marque Lacoste à la police norvégienne? Eh bien, elle a demandé que l'auteur des attentats ne porte plus son t-shirt fétiche. C'est ça, effectivement, parce qu'il y avait un petit crocodile dessus, donc forcément, ouais, ça c'est les pas une pub super. C'est pas vraiment la pub qui déchire. Intéressant, quoi. Mais bon. Bon, eh ben écoute, bravo à toi, Marek. On va t'envoyer les cadeaux comme promis. Je te fais des gros bisous. Je trouve ça sympa. Merci. Fournisseur officiel de psychopathe. Merci. Bonne journée à Fun Radio. Salut, Marek. Oui, c'était une idée, Toff. Pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. À tester et à creuser. Bon, restez bien là. Vous pouvez vous inscrire aussi au 3044. Dans moins de 10 minutes, on joue au petit déj service. Et dans juste avant les infos, je vais vous balancer la petite devinette qui colle avec écran plat 16/9 à gagner. Et cette fois-ci, c'est une petite énigme, mais bon, c'est une petite énigme. Et restez bien là aussi, dans 5 minutes, on va écouter le son de DJ Abdel avec Soprano. C'est ma life sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas le temps de le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Il est 7h30 sur Fun Radio, on est de retour bien sûr avec les factures qu'on vous paiera tout à l'heure. 63-22 débuté par facture et je vous rappelle qu'on ne sélectionne que ceux qui se sont inscrits entre 7h10 et 8h10 puisque ça n'a pas décroché à 7h10. Donc voilà, vous avez toutes les chances de gagner. Et la petite énigme qui colle ce matin, écran plat 16/9 à gagner ou appareil photo numérique. Attention, écoutez bien. J'étais demain et je serai hier. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1€ par message. Écran plat 16/9 à gagner ou appareil photo numérique. Je répète, j'étais demain et je serai hier. Qui suis-je? Bonne chance tout le monde. 7h31 maintenant, l'info qui n'attend pas, évidemment, avec Julie. Salut à tous. Les négociations pour essayer de former un gouvernement ont continué hier soir, malgré le décès du frère aîné d'Elio Di Rupo, le formateur. Les huit partis, le formateur, se sont quittés vers 22h45. Les discussions continuent, mais les francophones d'un côté et les flamands de l'autre. C'est toujours le fameux dossier BHV et qui coince. Personne n'arrive à se mettre d'accord. Ils se retrouveront aujourd'hui à 11h. C'est la journée internationale de l'alphabétisation et un Belge sur 10 ne sait ni lire ni écrire. L'illettrisme concernerait 570 000 adultes en Wallonie et 180 000 à Bruxelles. Aujourd'hui donc, 10% des adultes de Wallonie et Bruxelles sont toujours en grande difficulté face à la lecture et à l'écriture. La situation est semblable à celle des pays d'Europe occidentale. Bonne nouvelle pour les communes qui ont été touchées par les inondations ces trois dernières années. La région wallonne va débloquer un budget de 5 millions d'euros. Ces communes vont donc pouvoir, avec cet argent, construire des bassins d'orage et réparer les dégâts provoqués par les trombes d'eau. Il n'y aura plus personne dans la prison de Verviers en mars 2012. Il y a trop de sérieux problèmes d'humidité, d'instabilité et de normes d'incendie. Du coup, tout le monde dehors avant la catastrophe. L'évacuation des 190 détenus va commencer le 15 septembre. Les détenus vont être recasés dans les autres prisons du pays. Gros problème par contre pour les membres du personnel qui ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont devenir puisqu'ils perdront leur emploi. Démission du juge Wim de Troyes en charge du dossier de pédophilie dans l'église. Il s'estime victime de pression. Le juge a réagi de la sorte à une décision qui a conduit au déplacement de la greffière avec laquelle il avait l'habitude de travailler. Le déplacement de cette greffière aurait été décidé après un incident qui a opposé le juge d'instruction à l'administration pénitentiaire de la prison de Forêt. DSK va faire son comeback médiatique sur TF1. L'ex-patron du FMI a choisi Claire Chazal pour sa première interview depuis la fameuse affaire d'agression sexuelle présumée. DSK a choisi Claire Chazal parce qu'elle aurait selon lui été la plus empathique pendant l'incarcération et la procédure judiciaire. Et puis un avion russe s'est écrasé au nord de Moscou, tuant 43 des 45 personnes à son bord. L'avion transportait une équipe de russes de hockey. 5 vedettes du hockey mondial figurent parmi les victimes. Le premier survivant est un joueur, l'autre est un steward de la compagnie Yak Service exploitant de l'appareil. Enfin en sport, Varvin Ogunjimi ne va pas pouvoir aller se dorer la pilule sous le soleil de Majorque. Tout de suite, le joueur de Genk a été transféré dans le club espagnol, mais le problème c'est que le fax avec la signature est arrivé 7 minutes de retard par rapport à l'heure limite. Allez, c'est ballot. 7h33 et la météo maintenant. Superbe journée. Magnifique. Qui nous attend, de la pluie partout sur le pays et au moins 16 degrés au thermomètre. Soyez prudents, n'oubliez pas de vous protéger des coups de soleil. Exactement, vous pouvez mettre un petit peu de mon oeil aujourd'hui. Hein. Ah bah vous pouvez oui, y aller. Lundi suivi est bon. Fun Radio. Fun Radio. Allez, l'info en plus maintenant à 7h34. C'est une jolie petite histoire. C'est un habitant de Saint-Malo qui avait décidé d'aller se faire une petite moule frite dans le restaurant d'un casino avec son ami. Pas de chance, car le restaurant était fermé. Ben le oui, couple, c'est dommage. C'est alors, bah oui, pas de frites, pas de moule. Bon, c'est un petit peu dommage. La journée avait l'air d'être pourrie, mais le couple s'est dirigé vers les machines à sous pour y jouer quelques centimes. 60 centimes exactement. Ce père de famille de 4 enfants au chômage depuis 2 ans, eh bien, il est reparti avec quand même plus de 425 000 euros. Comme quoi, c'est possible de gagner aux machines à sous. Ouais, ça arrive, ouais. Le regagnant a dit qu'il allait partir en voyage et surtout s'acheter un scooter parce qu'il n'a pas le permis. C'est dommage parce que ça va être redondant ton histoire. Tu vas raconter la même chose mais avec moi en sujet lundi. Ah oui, d'accord, je vais raconter Mickaël, oui, qui est animateur radio, mais il a perdu comme d'habitude. Oui, ça c'est possible aussi, oui. Allez, 63-22 maintenant pour la petite devine, énigme qui colle ou devine qui colle, peu importe. J'étais demain et je serai hier. La réponse n'est pas le passé. Xavier, hein, ce n'est pas ça. Hein. Pour ceux qui ont joué déjà là, je suis le temps. Non, c'est pas la bonne réponse non plus. Qui suis-je donc? Il y a des appareils photo numériques ou des écrans plats 16/9 à gagner. J'étais demain et je serai hier. 63-22 avec la bonne réponse. Et on écoute DJ Abdel et Soprano avec C'est ma live sur Fun. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Bah non, pourquoi il veut pas de nouveau encore? Eh, c'est dramatique cette machine, je pense que je peux juste taper dessus. Non, attends, le truc est censé s'enchaîner tout seul. Est-ce que c'est la faute de la machine? Mais c'est la faute de la machine. Moi je dis, ne remettons pas toujours tout en cause. C'est ça, ouais, voilà, regarde, maintenant c'est bon là. Allô? Sale machine. Pourriture. Si je gagne l'Euro Million, je te remplace. J'espère. Le son de DJ Abdel sur Fun Radio avec Soprano à l'instant, c'était C'est My Life. 7h39 et bon réveil tout le monde. Si vous débarquez chez nous, vous êtes les bienvenus, sachez-le évidemment, avec la réponse à la petite devinette qui colle ce matin. Enfin, la question d'abord et puis la réponse, ce sera un petit peu plus tard bien sûr. Attention, j'étais demain et je serai hier. Si vous avez la bonne réponse, sachez qu'il y a un écran plat à gagner, 16/9e, ou alors tout simplement... appareil photo numérique, voilà, vous choisirez au standard. J'étais demain, je serai hier, qui suis-je? La bonne réponse au 63-22. Une chose est sûre, ce n'est pas Pat qui l'aura, puisque la réponse n'est pas le présent, ce n'est pas le futur non plus d'ailleurs, hein. Voilà, ce n'est pas le mot qu'on attend, donc par rapport au présent en l'occurrence, hein. Même si la réponse n'est pas forcément mauvaise, mais ce n'est pas celle-là qu'on attend. 63-22 si vous avez la bonne réponse, comme Eva par exemple qui vient d'envoyer un message, qui elle a la bonne réponse par exemple. 63-22, allez-y, on fera le tirage au sort dans une dizaine de minutes. J'étais demain et je serai hier. Et nous avons Jennifer qui est avec nous maintenant. Salut Jenny. Salut. Comment ça va Jennifer? Ça va bien. Bon, tant mieux, t'as quel âge, dans quelle ville Jenny? 22 à Dinan. 22 à Dinan, très bien. Sois la bienvenue. Rappelle également qu'à Dinan, on écoute Fun sur 106.6. Donc, Jennifer, tu vas jouer au petit-déj service. Le petit-déj service, c'est extrêmement simple. Tu vas donc jouer avec Toff. Hein. Bon, pas que ce soit vraiment la bonne affaire du siècle, mais enfin bon, on n'a pas le choix, on va faire avec. Voilà. Mais disons qu'il va jouer le rôle de serveur. Ça fait un mois maintenant qu'il fait le serveur, ouais. Et ça fait un mois que tout tombe tout le temps, même s'il s'améliore. De jour en jour, il s'améliore, mais le score final est toujours le même, 0. C'est vrai. Mais bon, on ne sait jamais, ça va peut-être changer maintenant. Jennifer. Voilà. Alors, Jennifer, à ton avis, combien d'objets va-t-il rester sur le plateau quand il aura fait le tour du studio en courant, sachant qu'il y en a 10 à son départ? 3. Tu dis 3. Ah, c'est quand même vachement optimiste. Jennifer, sache que tu es très optimiste. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais oui, mais on ne sait jamais, justement, exactement. Bon, on va y aller. Faire attention. Bah oui, bah écoute, tu vas faire attention. Ça dépend ce que tu lui as promis aux antennes. Je le reprendrai après. Voilà. Bon, alors attention, 3, 2, 1, je coupe la musique pour qu'on entende bien tout. C'est parti. Allez. Ouais. Pour l'instant, ça va. Ouais, mais c'est vrai. Vraiment, pour l'instant, ça va. Oulala. Ouais. Virage, hein, c'est le virage. Mais c'est ça, oui, c'est cette année virage. Ouais, le problème c'est le virage. C'est le virage, ouais. C'est le virage. Le problème c'est le virage. Même s'il est arrivé derrière moi quasiment là. Hein, donc, ah oui, non mais t'as vu, centimètre par centimètre, ouais. Il arrive à gagner un petit il peu grappille, plus. Il grappille. Tu vois, je persévère, mais je oui, persévère. Un jour j'y arriverai. Mais oui, il grappille. Bon, bah écoute, malheureusement pour toi, Jenny, c'est perdu. Ça c'est vraiment décevant. Bah grave. Ah, il en reste une. Ah oui, quand même. Ah pardon, il en restait une. Je crois qu'il en restait zéro. Autant pour moi. Ouais, il s'améliore. Ah ouais, autant pour moi. Il en restait une sur le plateau. Bon, enfin, ça change rien, Jennifer. Je te fais quand même plein de gros bisous, d'accord? Salut, ouais. Allez, à bientôt à Dinan. Ciao, bye bye, oh. Jennifer. 7h42 sur Fun Radio. Restez bien là, puisque dans un instant, c'est Meilleur qui va arriver. Mombi également et Pitbull, bien sûr, avec Soave. Et je rappelle la petite devinette qui colle. J'étais demain et je serai hier. 63-22 pour les bonnes réponses. On donne la réponse dans moins de 10 minutes et on vous file l'écran plat peut-être. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h46 et nous allons faire du coup maintenant un petit tour du côté de l'infotrafic avec Julie. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Alors, il y a plusieurs accidents à vous signaler. Je vous avais dit, ça glisse ce matin. Plutôt, ouais. Accident sur le 313 à Celt en direction d'Anvers à hauteur de Reims. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Accident sur le 17 Gand en direction d'Anvers à hauteur de Zendrecht. C'est trois bandes qui sont obstruées, donc là, ça doit être sacrément bouchonné. Accident aussi dans l'échangeur du Ring Anvers en direction de Gand avec le 34 Anvers en direction de Knokke. La chaussée est fermée et puis accident sur la N115 à hauteur de Brecht. Et ce, dans les deux sens, la chaussée est également fermée. Très bien. Bon, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un radar, d'un accident, d'un bouchon, faites tourner, faites péter la solidarité. 3044, c'est 50 centimes le message. Vous nous dites ce qui se passe. Ou alors, gratuitement, si vous avez un smartphone, vous envoyez un petit mail à mikl@funradio.be. Allez, c'est parti maintenant. La ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fun Radio. Fun Radio. Et oui, nous sommes là chaque matin à 7h47 et tous les matins à 7h15, 8h15 et 9h15, c'est la ligne anti-relou. Et il y a du lourd ce matin. Et il y a du lourd ce matin. Effectivement, nous avons d'ailleurs le premier de ce matin. C'est un gars très charmant, écoutez. Samantha, toi qui disais que t'avais jamais vu un mec comme ça, ben rappelle-moi. Oh là là. Je le remets. Samantha, toi qui disais que t'avais jamais vu un mec comme ça, ben rappelle-moi. Oh là là, moi il me fait peur. Ce vieux rire de sadique. Ah oui, c'est bon. Vraiment ça, c'est vraiment un bon vieux rire comme ça. Non. Bon, ligne anti-relou, deuxième message maintenant, écoutez. Aurélie, c'est Alex. Je suis sur le parking du Minot ici, tu m'as donné rencard. Il y a une demi-heure, je suis là, je te vois pas. Non, moi je vois aussi des belles femmes rentrer. Je vais rentrer et me faire des femmes, moi. Allez, je rentre à l'intérieur. Je serai là avec toi. Salut. Tu sais, ça fait un peu comme le mec qui veut taper sur quelqu'un. Et retiens-moi et personne ne le retient, tu vois. Et c'est ça, allez. Il non, rien. Donc là, il dit pareil, tu sais, je vais rentrer voir des femmes. Je vais rentrer voir des femmes. Allez, troisième message de me laisser sur la ligne anti-relou ce matin. Ouais, Marcel, c'est toujours Zaza. Tu m'as donné rendez-vous à la gare de Wii et je ne te vois pas. Alors je te sens, je te demande pour savoir où tu es. Et dépêche-toi parce que je suis dehors et c'est froid, quoi. Allez, tantôt, bah oui, allez, voilà, bah ça y est, c'est fait comme ça. Ouais. Bon, eh ben voilà, la ligne anti-relou, elle est faite pour vous, les filles. Surtout les filles, même si pour les mecs aussi d'ailleurs. Mais c'est bizarre, on a quand même pas de filles reloues qui laissent des messages. Non, donc je pense que définitivement, ça n'existe pas, les filles reloues. Ça ne peut être que des mecs. Peut-être, à mon avis, un peu plus intelligentes, je pense. Ah oui, ça certainement. Mais je crois qu'il doit y avoir de ça. 63 22, c'est le numéro des SMS. Si vous avez la bonne réponse à la petite devinette qui colle, je vous rappelle que vous allez pouvoir gagner un écran plat 16/9 ou alors un appareil photo numérique. Je vous rappelle la petite devinette qui colle ce matin. Oui, répète-nous. J'étais demain et je serai hier. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Et ce n'est pas le temps, hein. Il y en a encore qui renvoie ce message-là. Sabine de Charleroi qui dit jour. Oui, je pense que j'ai oublié un mot dans ton. Quelques lettres dans ta réponse. Le début est pas mal, mais il manque un petit peu au début et un petit peu à la fin, mais bon, le milieu est pas mal. Ouais, c'est ça. T'as le milieu de la bonne réponse. Allez, 63-22 avec la bonne réponse, écran plat 16/9 à gagner, et, ou alors appareil photo numérique. J'étais demain et je serai hier. Qui suis-je? Et on s'écoute Neyer maintenant, Mombi et Pitbull. C'est Soave sur Fun Radio, il est 7h50, bon réveil. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini, je suis super heureux d'être en Belgique, mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Le son de Neyer à l'instant, Mombi et Pitbull sur Fun Radio. Si vous aimez ce style de musique, soyez bien sûr au rencard tous les vendredis entre minuit et 1h du mat. C'est l'Invasion Latina sur Fun Radio avec notre ami Manu, bien évidemment. Comme chaque vendredi, juste après le son de Keep It Real. 7h54 et bon réveil tout le monde si vous débarquez, bien sûr. Comment va ton enfant, Tof? Eh ben, toujours aussi chiant, donc il est temps de rappeler quelque part pour essayer de l'échanger, enfin, oui, de le classer, oui, d'en faire quelque chose. Oui, puisque ce matin, tu appelles des maternités, donc pour voir s'il est possible de changer de bébé. Bah c'est ça, hein, comme il y a un délai de rétractation. Ouais, c'est pour dur tout, à dire. Hein. Ouais, rétractation, c'était difficile. Donc comme il y a un délai de rétractation pour tout maintenant, bah je me suis dit que ça devrait marcher aussi pour les bébés, non? Oui, sauf que ce sont des êtres humains, les bébés, hein, pas des téléphones, non? Ouais, enfin ça c'est un détail. C'est un détail, ouais. Ouais, bon, c'est on a appelé à tout à l'heure, on appelle où là? À Otigny. À Otigny. Oui. Allez, c'est parti, on y va, appelons directement à Otigny. Voilà. Oula, ça sonne bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Maternité, bonsoir l'appareil. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Mm-hmm. J'aurais voulu savoir si vous n'auriez pas pu vous tromper avec mon enfant. Expliquez-moi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, depuis que je suis rentrée, en fait, il n'arrête pas d'hurler, il n'arrête pas de gueuler, c'est insupportable. Et donc, je me disais que peut-être vous vous seriez trompée. Et que donc, j'aurais pu vous le rendre et en récupérer un autre. Oui. Oui. Et parce que en fait, après l'avoir bien regardé, oui, je pense que j'aimerais changer de couleur. Ah oui. Oui. Donc voilà. D'avoir un petit peu plus foncé. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, je me dis que blanc comme il est, hein, comme un cachet d'aspirine, avec le soleil, on va avoir des problèmes. Bon, ah oui. Donc je me dis que peut-être quelque chose d'un petit peu plus mat, ce serait plus facile. C'est ça. Hein, aura... Bon, pour ça, la crème 50, ça marche bien aussi, vous savez. Hein. Je pense que ça coûtera moins cher. Bah, non, parce que, enfin, je veux dire, un échange, c'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et puis, à la taille où il est, ça se verra pas, vous voyez, si vous me faites un petit échange standard. Bah, c'est pas gratuit, gratuit quand même, hein. Bah, c'est-à-dire, vous voulez qu'on s'arrange? Non, parce que si vous me dites, hein, vous me dites s'il y a un petit supplément que vous voulez récupérer, il y a pas de problème, on peut s'arranger. Voilà. Hein. Par contre, j'aimerais qu'on fasse ça rapidement. Vous voyez, j'aimerais être soulagé, surtout j'aimerais qu'il arrête de gueuler. Tout à fait. Bah, tant mieux alors. Donc, comment est-ce qu'on peut faire alors? Mais écoutez, malheureusement, je vais pas pouvoir vous aider. Maintenant, vous pouvez peut-être téléphoner à une autre maternité, hein. Oui, mais parce que moi, le problème, c'est que bon, elle l'a accouché chez vous, quoi. Ah oui. Oui. Donc c'est pour ça, j'aurais préféré faire ça, vous voyez, dans un endroit que je connais, hein. Mais bon, des bébés, il y en a partout, hein. Oui, c'est ça. J'avais pensé faire ça dans un centre commercial aussi, vous voyez, hop, je passe, je change, on y voit que du feu, et puis bon, les gens, ils arrivent chez eux, ils verront bien que c'est plus le même, mais bon, après, c'est trop tard, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais non, voilà, c'est pour ça, je pense qu'à la maternité, c'est là que c'est le plus simple, hein. Mais je me dis aussi qu'il faut le faire assez vite, parce qu'après, sinon, il y aura une différence de taille qui va commencer à se voir. Oui, je comprends. Écoutez, je vous trouve très drôle, mais j'ai un petit peu de travail. Ben, évidemment, donc c'est pour ça, est-ce qu'on peut s'arranger, alors? Ça va? Ah bah oui, elle a raccroché, effectivement. Elle l'a pris avec l'humour, hein, elle n'y croit pas et ça me rassure quand même. Ça va encore, ouais, ça va encore. Elle m'a dit que j'étais très drôle, ça m'a fait plaisir. Voilà, ta journée est faite. Fikiri. Ben, je vais la rappeler. Fikiri. Bah, tu vas la rappeler, voilà, bah, c'est ça, voilà, exactement. 7h57. Bon, est-ce qu'on peut se voir? C'est ça, 7h57 sur Fun Radio. On a la réponse à la devinette qui colle? Ou on fait ça après? Après. Eh ben, on fait ça après. Bah, alors, du coup, vous avez encore un peu de temps pour vous inscrire, hein. 63-22, j'étais demain et je serai hier. Voilà, quand c'est pas hier, c'est pas demain, forcément, il y a un moment, c'est au milieu. 7h57 sur Fun Radio, ne bougez pas de là, dans deux minutes, les infos vont débarquer avec Julie. Et il y aura aussi David Guetta d'ailleurs avec Little Bad Girl sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h pile, bon réveil tout le monde et puis bon courage si vous allez bosser là ce matin ou si vous allez à l'école, on sait jamais. Bon, 8h ça devrait aller. Au niveau des bouchons, j'ai quelques infos qui sont tombées par mail notamment, c'est Émilie qui a envoyé, ou Émilie, je ne sais pas, qui dit hello toute l'équipe. Petit mail pour vous signaler que ça bouchonne sur la E19 en direction de Bruxelles au niveau de la pompe de Nivelles en cause d'un accident de moto qui apparemment sera très vite réglé. PS, je cherche un boulot de secrétaire assistante dans la région de Charleroi. Si vous saviez passer le message, qui sait? Eh ben voilà, hein, pas de problème, le message est passé, Émilie. Si vous cherchez une assistante secrétaire, hein. Toff en cherche bien une, donc il va d'abord regarder sur Facebook à quoi tu ressembles, oui. Et après il t'appelle. Voilà, je regarde à quoi tu ressembles et après on s'arrange. C'est ça. Et Régis aussi qui dit qu'il y a un radar sur le 42 entre Birzay et Saint-Georges, direction Namur. Merci à toi Régis. Et les autres, n'hésitez pas non plus bien sûr. mickaël@funradio.be ou 3044 pour signaler tous les problèmes sur la route. Et nous avons avec nous maintenant Nicolas. Salut Nico. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bon, Nicolas t'appelle de Namur, 107.5 pour écouter Fun à Namur. Et tu as la réponse à la petite devinette qui colle. J'étais demain et je serai hier. Ouais, je pense que la réponse est aujourd'hui. Eh oui, c'est exactement ça, c'est aujourd'hui, tout ça fait. C'est une bonne réponse, bravo à toi Nicolas, tu repars avec les cadeaux comme promis. Je te renvoie au standard, on prend tes coordonnées et je te souhaite une excellente journée. Merci, génial, toi aussi. À bientôt, salut à toi Nico, ciao. Et puis la petite question qui colle avant les infos. Un homme est entré dans la villa de Céline Dion, mais pour y faire quoi? Un truc assez original. Donc il y a un mec qui est rentré dans la villa de Céline Dion, mais qu'est-ce qu'il a bien pu y faire? Il n'a rien volé. Non, je vais rien dire, parce qu'il faut donner des indices. Voilà. Il n'a rien volé, ça se passe dans la salle de bain, mais je vous en dis pas plus. Il s'est relaxé. 8h01 sur Fun, l'info c'est dans 10 secondes. Et c'est parti l'info avec Julie maintenant. Salut à tous, les négociations pour essayer de former un gouvernement ont continué hier soir. Malgré le décès du frère aîné d'Elio Di Rupo, le formateur, les huit partis et le formateur se sont quittés vers 22h45. Les discussions continuent, mais les francophones d'un côté et les flamands de l'autre. C'est toujours le fameux dossier BHV qui coince, personne n'arrive à se mettre d'accord. Ils se retrouveront tous aujourd'hui à 11h. Il n'y aura plus personne dans la prison de Verviers. En mars 2012, il y a trop de problèmes d'humidité, d'instabilité et de normes incendies. Du coup, tout le monde dehors avant la catastrophe. L'évacuation des 190 détenus va commencer le 15 septembre. Les détenus vont être recasés dans les autres prisons du pays. Gros problème par contre pour les membres du personnel qui ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont devenir puisqu'ils n'auront plus de boulot. Démission du juge Wim de Troyes en charge du dossier de pédophilie dans l'église. Il s'est victime, victime de pression. Le juge a réagi de la sorte à une décision qui a conduit au déplacement de la greffière avec laquelle il avait l'habitude de travailler. Le déplacement de cette greffière aurait été décidé après un incident qui a opposé le juge d'instruction à l'administration pénitentiaire de la prison de Forêt. C'est la journée internationale de l'alphabétisation et un Belge sur 10 ne sait ni lire ni écrire. L'illettrisme concernerait 570 000 adultes en Wallonie et 180 000 à Bruxelles. Aujourd'hui donc, 10% des adultes de Wallonie et de Bruxelles sont toujours en grande difficulté face à la lecture et à l'écriture. La situation est semblable à celle des pays d'Europe occidentale. Bonne nouvelle pour les communes qui ont été touchées par les inondations ces trois dernières années. La région wallonne va débloquer un budget de 5 millions d'euros. Ces communes vont pouvoir, avec cet argent, construire des bassins d'orage et réparer les dégâts provoqués par les trombes d'eau. Actualité à l'étranger, un avion russe s'est écrasé au nord-est de Moscou, tuant 43 des 45 personnes à son bord. L'avion transportait une équipe russe de hockey. 5 vedettes du hockey mondial figurent parmi les victimes. Le premier survivant est un joueur et l'autre est un steward de la compagnie Yak Service, exploitant de l'appareil. DSK va faire son comeback médiatique sur TF1. L'ex-patron du FMI a choisi Claire Chazal pour sa première interview depuis la fameuse affaire d'agression sexuelle présumée. DSK a choisi Claire Chazal parce qu'elle aurait, selon lui, été la plus empathique pendant son incarcération et la procédure judiciaire. Enfin en sport, Marvin Ogunjimi ne va pas pouvoir aller se dorer la pilule sous le soleil de Majorque. En tout cas, pas tout de suite. Le joueur de Genk a été transféré dans le club espagnol, mais problème, c'est que le fax avec la signature est arrivé avec 7 minutes de retard par rapport à leur limite. Eh oui, dommage. 8h04 sur Fun Radio, la météo rapidos. Hein. Magnifique journée d'été qui nous attend, de la pluie partout et au moins 16 degrés au thermomètre. N'oublie pas le mono-œil. Exactement. On sait jamais. Dans un instant, c'est l'info en plus, c'est dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h05 maintenant, c'est l'info en plus avec Julie. Petite info pour ceux qui veulent arrêter de fumer, une expérience. Oui, c'est bien. Déjà, premièrement, c'est bien, c'est bien de vouloir arrêter. Que Julie a arrêté depuis plus d'un mois. Ouais, un mois et demi, sans aucun problème. Bravo. En tout cas, pour l'instant. Merci. Mais je t'en prie. Alors, il y a une expérience pilote qui a été conduite en Angleterre qui montre que le fait d'envoyer régulièrement des SMS d'encouragement aux fumeurs, eh bien, ça les aide à tenir le coup. En fait, ils ont fait une expérience. Quelques 5000 fumeurs ont participé à ce programme. Il a été baptisé Text to Stop. Ils ont divisé en deux groupes ces 5000 fumeurs et au premier groupe, ils ont envoyé des SMS comme par exemple « C'est le bonjour, jetez vos clopes, aujourd'hui vous pouvez y arriver », etc. Donc des SMS d'encouragement. Le second groupe n'en a évidemment pas reçu. Bien sûr. Eh bien, le groupe qui a reçu des SMS pour les encourager à arrêter de fumer, eh bien, il y a deux fois plus de personnes qui ont réussi. Donc n'hésitez pas, votre petite amie, votre famille, n'importe qui, envoyez des petits SMS si la personne essaye d'arrêter de fumer, ça peut marcher. Pour l'encourager. Mais oui. 8h06 sur Fun Radio dans un instant. Paye vos factures, 63-22, débutez votre message comme d'hab par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, comme pas mal de messages qui sont arrivés là. Tiens, on va en lire quelques-uns, les petits messages qui sont arrivés au 63-22. Facture Belgacom de... Ah, malheureusement, il n'y a pas de montant, il n'y a pas de prix, c'est dommage. Ouais. 1013 € pour le revenu cadastral, 133 € pour la taxe voiture, 191 € pour l'assurance, 135 € pour un PV de stationnement. Qu'est-ce qu'il y a également? Prêt hypothécaire, 420 €, 1000 € pour un supplément cuisine. Ah oui, cher. 140 € pour pour 2 mois de Belgacom. 352 € pour le revenu cadastral. Bref, si vous voulez qu'on vous paye vos factures, vous savez que vous avez toutes vos chances puisque ce matin, on ne prend que ceux qui sont inscrits entre 7h10 et 8h10, vu que ça n'a pas décroché tout à l'heure à 7h10. Allez, donc il vous reste 3 minutes pour vous inscrire. Le temps d'écouter David Guetta maintenant. Little Bad Girls sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. David Guetta à l'instant sur Fun Radio avec Little Bad Girl. Et si vous êtes fan de David Guetta ou fan de cadeaux, soyez bien sur Fun dès la semaine prochaine parce qu'il va pleuvoir des cadeaux. Ça, tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Ah oui, ça va tomber. Voyage. Tu sens là, ça va tomber là. Ah ouais, non mais je te confirme. Voyage, téléphone portable, album de David Guetta. Vous allez pouvoir suivre David Guetta. Aller rencontrer David Guetta et à Ibiza aussi. Vous allez aussi pouvoir coucher avec David Guetta. Ça m'intéresse pas. Mais non, le mais voyage ça, à Ibiza, par contre là, ouais, tu peux pas, tu travailles. Mais oui, tu travailles, c'est dommage. C'est quand la semaine prochaine. Mais on part quand? Ah bah ça tu verras, on verra bien. Ah ça c'est la surprise. Ça c'est la surprise, voilà c'est ça. Et City Trip Live aussi, donc vous allez pouvoir aller assister au concert David Guetta, le rencontrer, tout gratos, l'hôtel, le petit déj, le 4 étoiles, le 5 étoiles ou je sais pas combien d'étoiles. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal, voilà. Plein d'étoiles, plein d'étoiles. Mais c'est plein d'étoiles, exactement. Bon, allez, on appelle maintenant quelqu'un pour les factures. Comme chaque matin, on appelle quelqu'un au hasard au 6322. Quand je dis au hasard, c'est quelqu'un qui s'est bien évidemment inscrit au 6322 en débutant le message par facture. Allez, les petites dernières qui viennent d'arriver. Là, 498 euros pour Electrabel, 905 euros pour le loyer. Ah bah oui, mais enfin, il faut le loyer. Et quand même, le 3600 euros régularisation électricité qui me fait peur. Oui, effectivement. Régularisation, c'était dur à dire. C'était compliqué à dire. Allez, c'est parti. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit au 6322. C'est parti, Tof, c'est bon, ça marche pas des masses là. Bah, ça marche pas des masses. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi. Hein. Oui. Ah voilà. Je ne suis pas téléphoniste. Bah. Allô. Allô. Oui, allô. Bonjour, comment tu t'appelles? Bon. Marie-Claire. Bon, est-ce que tu sais qui t'appelle? Je suppose que c'est Mike de la radio. Oui, mais, mais laquelle? Ouh là là. Je fais ça comme ça le matin parce que vous ai entendu. Femme radio. Ah, ok. On a eu peur. Qu'est-ce que j'écoute dans mon poste? Voilà. Bah, mais elle tombe sur un truc chouette, elle y reste. Bah, voilà. Oui, mais quoi, tu n'écoutais pas Femme radio avant et tu écoutes depuis peu là? Si, j'écoute toujours Femme radio quand mon copain va au travail à 7h parce que je suis en congé payé. Il est parti, donc je me suis remise un petit peu une demi-heure au lit parce que je suis en vacances. Donne-moi un peu des congés payés, s'il te plaît. Ah bah ça va. Mais je vous ai écouté tous les jours matin. D'accord, bon bah c'est cool, merci à toi en tout cas. Bon, comment tu t'appelles? Excuse-moi, j'ai oublié. J'aime bien votre émission. Eh ben c'est gentil. Comment tu t'appelles encore? J'ai oublié. Marie. Ah oui, Marie, voilà, c'est ça. Toff, Marie-Claire, on remboursait combien, Toff, chez Marie-Claire? 50 euros. 50 euros pour rembourser quoi? La facture Mobistar. La facture Mobistar, ok, bah écoute, pas de problème. 50 euros, ça va arriver chez toi rapido, ce Marie-Claire. Ah bon? Ben oui. Gentil, ça. Mais avec plaisir, mais c'est le concept du jeu. Ah bon? Je ne m'y attendais pas, c'est la première fois que je gagne un jeu de radio. On n'est pas encore à la télé. Oui, mais... oui, c'est vrai. C'est bon. Dommage, parce que si vous voyez Julie le matin. Ah, ouais. Bon, ben Marie-Claire, en tout cas. Je vais la brancher, comme ça je vous écoute, mais je me termine un peu en vue, je suis en vacances, quoi. Oui, bah oui, Marie-Claire, tu es un peu une pipelette quand même. Ah, Marie-Claire, elle est parfaite. Si on parle beaucoup. Si on t'appelle à Cosette jusqu'à 9h. Bon, gros bisous, Marie-Claire, à bientôt. Merci, vous êtes salut. Merci, au revoir. Ciao, bye bye. Et la question du jour maintenant, que faisait Marie-Claire? Et elle était payée, mais pourquoi faire? Ah oui, ça c'est. Quel était le métier de Marie-Claire? Bah, le métier, pas vraiment, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle était payée, mais. À quoi faire, voilà. Si vous avez bien écouté, vous nous dites. Hein. 6322, je peux vous filer des cailloux si vous avez la bonne réponse. Allez-y. Bon, allez, dans un instant. C'est la parodie du morning, justement. Et la petite question qui colle encore. Un homme est entré dans la villa de Céline Dion, mais pour y faire quoi? C'est pas pour aller aux toilettes. Hein. Il se sent un peu sale. Ouais. C'est nickel à la radio, sur Fun Radio. Allez, bougez pas, on revient juste après ça. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Exactement, 8h16 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, dans un instant l'horoscope. Et puis nous jouerons également au Mickaël Réveil la Belgique. Si vous voulez jouer avec nous, 3044, débutez votre message par réveil. Bonne chance, 8h16, bon réveil. C'est le morning sur Fun Radio. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans le morning. Oui, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le dès le réveil, m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil, tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin, m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Tu peux l'espérer, oh, tu vas pas le choper. T'es peut-être motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. Ça fait crédible ? Pas vraiment. Fun Radio. L'horoscope. Allez, l'horoscope maintenant là. Avec Doudou, bien évidemment, comme chaque matin. On va commencer par les médicaments. Nous sommes très en retard. Oui, mais attendez, Mickaël, j'avais une question. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez gagné au loto aujourd'hui ? Non, mais pourquoi vous demandez ça ? Bah non, parce qu'il y a eu deux gagnants en Belgique, mais c'était pas pour ça. C'est parce que j'ai entendu Julie qui a raconté son histoire là sous la machine à sous, les 60 centimes. Oui, et alors ? Et il a gagné 400 000 euros. Oui. Bah non, mais avec tout ce que vous jouez, vous seriez déjà milliardaire, vous. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Si à chaque fois que tu... l'argent que tu jouais, tu mettais dans un pot, je pense que ce serait déjà vachement. Blablabla. Bla, bla. Okay, allez, les béliers. Si tu gagnes. Alors, si vous n'avez pas un rond, c'est parce que vous l'avez cherché. Ah, voilà. C'est ça. Alors, si vous vous sentez tendu, c'est parce que vous avez trop travaillé. Eh ben, ça doit être ça, les taureaux. Financièrement, vos efforts vont vous conduire à la réussite. Ah ben, alors, si vous continuez à travailler avec détermination. Bien évidemment, les gémeaux. Si vous avez négligé l'amour ces derniers temps, vous avez toutes les chances pour vous rattraper aujourd'hui. Les cancers. Les santé battues ne sont pas bons pour une relation à long terme. Alors changez ça et dînez aux chandelles ce soir. Ah bah tant, très bien. Les lions. Faites une pause pour mettre de l'ordre dans vos idées. Très bien. Les vierges. Vous ne travaillerez pas bien en étant sous pression. Alors calmez-vous. Bah oui, les balances. Flirtez autant que vous pouvez car les étoiles de l'amour sont de plus en plus favorables. Les scorpions. Un changement d'air vous ferait le plus grand bien. Grand bien, bien évidemment. Oui, les, c'est ça, qu'est-ce que j'ai dit. Oui, oui, non, les sagittaires. Ah, bah voilà. Allez-y. Les sagittaires, alors faites-le plein d'assurance en vous. Hein, courage, les étoiles vous sont favorables et vous réussirez plus de choses que vous le croyez. Les capricornes. Répondez aux avances d'un ou d'une de vos collègues. Il ne fait pas semblant, ce sont des vrais sentiments au fond de son petit cœur. Les verseaux. Vous surmontez toutes les difficultés en vous montrant habile. Et enfin, les poissons. Vous avez tendance à exagérer et vous risquez de rencontrer des problèmes si vous continuez comme ça. On vous retrouve tout à l'heure, Doudou ? Bah oui, comme d'habitude. Eh ben voilà, à 9h15, plus ou moins, bien entendu. Allez, côté musique maintenant, c'est Mademoiselle Luna qu'on écoute. Toi, ça mon toi, ça. Sur Fun Radio. C'est plaisir. Oui, j'ai demandé à Mademoiselle Luna hier pour le remix de la sonnerie Nokia. Là. Ah, et alors c'est en cours là. Ça va, ça, on y travaille. Ah oui, il y a 10 000 dollars à gagner quand même. Hein. Et puis juste après, c'est la déclaration express avec Sébastien Love sur Fun. Un petit poisson, mais... Mademoiselle Luna à l'instant sur Fun Radio avec Toi mon toit tous les matins sur Fun Radio. Nous sommes là en direct avec vous avec la réponse dans un instant à la question qui colle, une nouvelle devinette qui colle bien sûr. Et à 8h25, nous allons jouer maintenant à la... Enfin jouer, on va faire une petite déclaration express maintenant, c'est parti. Déclaration express avec Sébastien Loeb qui est là également. Sébastien Loeb qui fait les... pousse la chansonnette chaque matin. Mais oui. Ben oui, c'est tout un à fait. Très grand chanteur. Mais oui. Et comme on n'arrive pas à joindre l'auditeur qui voulait faire la déclaration express à sa copine, on va directement appeler sa copine qui s'appelle Amélie. Et on va se sentir très très seul si jamais elle ne décroche pas non plus. Bon, enfin, après on verra bien. À mon avis, il s'est dégonflé. Oui, c'est possible. Il y a peut-être eu peur. C'est pas très grave. Au pire, si le répondeur, on laissera un message, on a l'habitude. Mais oui. Bah déjà ça sonne, c'est déjà ça de prix. Jusque là. Allô. Allô Amélie. Oui. Salut Amélie, tu vas bien? Ça va. Tu sais qui t'appelle ? Non, pas du tout. Mais c'est bien dommage. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio et je t'appelle de la part de ton copain qui voulait te faire une petite déclaration express. Tu as 30 secondes pour écouter ce qui a été fait ? S'il vous plaît ? Je dis, tu as 30 secondes pour écouter ce qui a été fait ? Oui, pas de soucis. Écoute bien, c'est comment s'appelle ton copain quand j'ai oublié ? C'est, Anthony. Ah oui, Anthony, voilà, c'est ça. Qu'on n'arrive pas à joindre, je crois qu'il est un peu timide. Oui, bon, allez. On écoute maintenant cette déclaration express, rien que pour toi, Amélie. Où on s'est rencontrés, c'était dans un karaoké, et je t'ai direct kiffé. T-shirt et chemisier tu portais, avec une chaîne dans le décolleté, j'arrêtais pas de mater. Yeah, yeah. Puis vers moi tu t'es approché, tu m'as demandé ce que je buvais, je me dis qu'est-ce qu'elle me fait. Oh yeah. Moi je t'ai dit tant que c'est avec toi, je pourrais boire n'importe quoi en touchant ton derrière. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Ça t'a mise furax direct, tu m'as remise à ma place avec une torgnole. J'étais tellement choqué que j'ai vomi dans le sac de ton ami. Non, ne m'en veux pas, je me rattraperai bien, tu verras, surtout t'es trop bonne. Allez bébé, viens dans mon lit pour me lécher mon... Non, ça va, c'est bon, on a compris, t'inquiète pas. Va. Bon, et ben voilà Mélie, cette petite déclaration express, est-ce qu'elle te va droit au cœur? Ah. A priori, ouais. Non. Au cœur, peut-être pas. Oui. Amélie, est-ce que cette déclaration express te va droit au cœur ? Oh oui. Ah oui. Ah oui, ben voilà. Eh ben, tu vois, ça marche. Et il n'y a pas qu'au cœur d'ailleurs. Eh oui, bah ça, c'est un autre jour, ça alors. Hein. Bon, bah Amélie, bah, je te fais des gros bisous et puis tu n'hésiteras pas à penser à nous la prochaine fois que tu feras l'amour à ton mec. Ah voilà. gros bisous, Amélie. Gros bisous, bonne journée. À bientôt, ciao, toi aussi, bye bye. C'est bien ça, comme ça, les gens font l'amour en pensant à nous. Ah, ah oui, bah c'est oui. Beau. Mais surtout oui. À Toff, ça lui fait plaisir. Mais non, je dis ça, on n'est pas à l'abri que ça arrive chez Julie aussi. Ça peut me faire bien marrer, même si je le saurais jamais. Mais quoi que ça arrive, comment ça que ça arrive chez moi? Bah, que tu penses à nous, mais jamais, quoi. Jamais ça n'arrivera. Jamais. On sait pas, le pire, c'est que le dira jamais, donc on pourra jamais savoir. Bah, j'aurais aucun mal à le dire, mais ça n'arrivera jamais. On va. Imagine un petit ah oui Mickaël comme ça. Non, t'es malade. Même pas ça t'es malade. C'est juste le savoir, tu vois. Ah mais là voilà, elle le sait, mais alors maintenant on se rend compte que elle pourra pas faire autrement. Non, j'imagine la tête de mon mec là s'il écoute, quoi. Surtout c'est ça, mon amour, je t'aime. Bah non, mais ça n'empêche pas hein. Mais nous aussi nous t'aimons beaucoup, ouais. D'ailleurs tu passes quand tu veux qu'on fasse connaissance. Oui tiens, tu vas voir comment il va faire connaissance avec toi. Là n'empêche pas l'autre. Bon, la réponse dans un instant à la question qui colle, et on vous posera aussi la devinette qui colle, et dans un instant c'est Snoop Dogg qui va arriver sur Fun Radio avec Boom. Simpson sur Fun Radio. Oh, alors tiens. Comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Mickaël, à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Et avec un peu de retard, l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, les négociations pour essayer de former un gouvernement ont continué hier soir malgré le décès du frère aîné d'Elio Di Rupo. Les huit partis et le formateur se sont quittés vers 22h45. Les discussions continuent, mais les francophones d'un côté et les flamands de l'autre. C'est toujours le fameux dossier BHV qui coince, personne n'arrive à se mettre d'accord. Ils se retrouveront tous aujourd'hui à 11h. Il n'y aura plus personne dans la prison de Verviers en mars 2012. Il y a trop de problèmes d'humidité, d'instabilité et de normes incendies. Du coup, tout le monde dehors avant la catastrophe. L'évacuation des 190 détenus va commencer le 15 septembre. Les détenus vont être recasés dans les autres prisons du pays. Gros problème par contre pour les membres du personnel qui ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont devenir puisqu'ils n'auront plus de boulot. Démission du juge Wim de Treuil en charge du dossier de pédophilie dans l'église. Il s'est s'estime victime de pression. Le juge a réagi de la sorte à une décision qui a conduit au déplacement de la greffière avec laquelle il avait l'habitude de travailler. Le déplacement de cette greffière aurait été décidé après un incident qui a opposé le juge d'instruction à l'administration pénitentiaire de la prison de Forêt. C'est la journée internationale de l'alphabétisation et un Belge sur 10 ne sait ni lire ni écrire. L'illettrisme concernerait 570 000 adultes en Wallonie et 180 000 à Bruxelles. Aujourd'hui donc, 10% des adultes de Wallonie et Bruxelles sont toujours en grande difficulté face à la lecture et à l'écriture. La situation est semblable à celle des pays d'Europe occidentale. Bonne nouvelle pour les communes qui ont été touchées par les inondations ces trois dernières années. La région Wallonne va débloquer un budget de 5 millions d'euros. Ces communes vont pouvoir alors avec cet argent construire des bassins d'orage et réparer les dégâts provoqués par les trombes d'eau. Actualité à l'étranger, un avion russe s'est écrasé au nord-est de Moscou, tuant 43 des 45 personnes à son bord. L'avion transportait une équipe russe de hockey. 5 vedettes du hockey mondial figurent parmi les victimes. DSK va faire son grand comeback médiatique sur TF1. L'ex-patron du FMI a choisi Claire Chazal pour sa première interview depuis la fameuse affaire d'agression sexuelle présumée. DSK a choisi Claire Chazal parce qu'elle aurait, selon lui, été la plus empathique pendant l'incarcération et la procédure judiciaire. Et puis enfin en sport, Marvin Ogunjimi ne va pas pouvoir aller se dorer la pilule sous le soleil de Majorque tout de suite. Le joueur de foot de Genk a été transféré dans le club espagnol. Mais problème, le fax avec la signature est arrivé avec 7 minutes de retard par rapport à l'heure limite. Oui, j'ai coupé mon micro, c'est moi, je suis complètement idiot. 8h35, donc c'est la météo maintenant. Magnifique journée d'été qui nous attend aujourd'hui. Magnifique. De la pluie partout sur le pays et puis 16 degrés au thermomètre. Oh, soyez prudents, n'oubliez pas votre crème solaire pour éviter les coups de soleil. Bien évidemment, 8h35, l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Alors, l'info en plus, Julie. Jolie petite info en plus ce matin. Alors, petite histoire, un habitant de Saint-Malo avait décidé d'aller se faire un petit resto, une petite moule frite, avec son ami dans le restaurant d'un casino. Malheureusement, le resto était fermé. Ils se sont dit, pas de problème, on va aller jouer un petit peu aux machines à sous. Ils avaient un peu de monnaie, 60 centimes exactement. Eh bien, ce père de famille de 4 enfants au chômage depuis 2 ans est reparti avec plus de 425 000 euros dans la poche. Donc, quoi, c'est possible de gagner aux machines à sous. Donc, le regagnant a déclaré qu'il allait faire quelques voyages et surtout s'acheter un scooter parce qu'il n'a pas le permis. Mais oui, en plus, oui. Comme quoi tout arrive. Hein. Ah oui, non, bon, mais oui. L'info revient tout à l'heure à 9h et on prend Christine vite fait maintenant. Allô, Christine. Bonjour, Mickaël. Bonjour, Christine, comment vas-tu? Très bien. Bon, très bien. Christine. Oui, bah ça c'est pas compliqué. Ah oui, hein. c'est sûr. Christine, je t'appelle pour la question qui colle. Un homme qui est entré dans la villa de Céline Dion, mais qu'est-ce qu'il a été faire dans la villa? Il a pris un bain, voilà, toute simplicité, hein, c'est ça. Donc les mecs de la sécu est arrivé, c'est limite arme à la main, qu'est-ce qui se passe? C'est peur qu'il cambriole. Non, le mec s'est installé, il a pris un bain. Bah, à mon avis, la baignoire de Céline Dion doit être quand même assez classe. Hein. Ah, elle doit être très très grande. Ça doit donner envie. Elle doit être très grande. Bon, bah, en tout cas, bravo à toi, Christine. Tu vas rester au standard, on prend tes coordonnées, on t'envoie ton cadeau rapidos. Ok, c'est gentil, merci, bonne journée. Bisous, ciao à toi, Christine. À bientôt, ciao. Bon, 8h37 sur Fun Radio. Dans un instant, Mickaël réveille la Belgique. Et avant ça, on écoute le son de Snoop Dogg et T-Pain maintenant, c'est Boom. Le son de Snoop à l'instant sur Fun Radio. C'était avec T-Pain également et c'était Boom. Tous les matins, on est là entre 6h et 9h30. Et j'ai oublié de vous signaler également qu'il y avait la petite devinette qui colle. Mais oui, la devinette qui colle de ce matin. Attention, écoutez-la bien. Je te prépare là. Ouais. Il y a toujours un écran plat 16 neuvième à gagner ou alors l'appareil photo numérique. C'est l'enfant de votre père et de votre mère, mais ce n'est ni votre sœur ni votre frère. Qui est-ce? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, écran plat 16-9e à gagner ou appareil photo numérique, je répète, c'est l'enfant de votre père et de votre mère, mais ce n'est ni votre sœur ni votre frère. Voilà, je compte sur vous, si vous êtes doué, n'hésitez pas. Et puis là, nous allons prendre Toff et Sébastien Loeb apparemment pour réveiller la Belgique. Allô, allô. Oui. Oui, bon alors, comment ça se passe? Bon, vous êtes où là pour réveiller la Belgique? Ils sont un peu plus vieux, mais ils ont l'air sympas aussi. Donc c'est le centre d'enseignement de promotion sociale juste à côté de la radio. D'accord. Hein, donc qui a priori sont en examen. Oh non, ça c'est rock'n'roll. Voilà. Et donc là on a été plus loin que d'habitude, parce que là en fait je suis dans les couloirs. Donc Allô ? Ouais, ouais, ah, ouais, on t'écoute. Donc t'es dans les couloirs. Tu vas rentrer dans une classe ? Donc, non, je vais peut-être pas rentrer dans les classes quand même. Mais en fait, donc là, je suis dans les couloirs de, l'école. Ouais. Donc là, j'arrive à la bibliothèque, qu'il y a des gens qui sont assis par terre et tout, c'est pas mal. J'imagine qu'elle est en train de réviser pour ses examens, elle va avoir un oral. D'accord. Par contre, ce qui est énorme, c'est que c'est comme la dernière fois, c'est-à-dire que je suis avec mon mégaphone, mais tout le monde s'en fout. Mais c'est ça qui est bien. Mais c'est horrible, son examen. Quoique, ça peut créer un peu le bordel et un petit coup de tricherie à gauche, à droite, ça va peut-être être possible à ce moment-là. Quoi. C'est possible. Voilà. Alors, attention, ça y est, là, je pense qu'on est bien, là, t'es prêt ? Vas-y. Allez, 3, 2, 1, un petit coup de sirène quand même. Il y a pas la sécu. Ah non, mais est-ce qu'il y a vraiment la sécu là-dedans? Il y a pas la sécu dans une école. Oh là là là là, il faut le bordel. Voilà, maintenant, foutez le camp, les gars, foutez le camp. Tous les gens regardent à la fenêtre, mais tout le monde s'en fout, ça c'est fou. Personne ne réagit. Peut-être qu'ils ont l'habitude, en fait. Hein. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Bon, bah très bien, en tout cas, ça a réveillé ceux qui étaient en train de dormir, donc c'est le principal, c'est le concept aussi. Donc voilà, c'est parfait. C'est ça, je leur ai mis un petit coup là pour les booster pour l'examen. Eh ben tant mieux, parfait. Merci à toi. Bon, bah à tout de suite alors, hein. À tout à l'heure. Allez, retour au studio dans quelques instants. Et puis 8h43 sur Fun Radio. Je rappelle la petite énigme pour gagner l'écran plat 16/9 ou alors l'appareil photo numérique. C'est l'enfant de votre père et de votre mère, mais ce n'est ni votre sœur ni votre frère. 63-22. Allez-y, on paye vos factures aussi dans un instant. Et on va écouter Britney Spears. Avec I Wanna Go. Et Philippe qui dit c'est un enfant adopté. Non, c'est une mauvaise réponse. Cherchez pas plus loin. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde. 8h48, on fait un tour du côté du trafic maintenant. Un véhicule est en panne dans l'échangeur E17 Anvers Courtrai avec l'E40 Ostende Bruxelles à hauteur de Zeynard. Et c'est la bande de gauche qui est obstruée. Il y a évidemment des files à cet endroit. Et bien sûr, vous ralentissez sur les grands axes pour accéder à la capitale. Voilà, donc faites gaffe. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas bien sûr à nous transmettre les infos au 30 44, 50 centimes le message, ou gratuitement sur mikl@funradio.be. Et je lis tous les messages. Hein. Il y avait un problème tout à l'heure sur le 19, sur le 42, tout ça je l'ai dit. Donc il y a pas de problème, je les reçois immédiatement et en plus c'est gratuit, ça a le côté positif. Dans un instant, Britney Spears sur Fun Radio. Et puis avant ça, eh bien, c'est le moment que vous attendez tous, c'est parti pour Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, pour la ligne anti-relou, bien évidemment, à 8h49. La ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h15, 8h15 et 9h15 sur Fun Radio. Vous laissez le numéro de téléphone qui est le suivant, 0473 86 0013. Vous le donnez à tous les relous qui vous entourent. Les relous qui viennent vous voir, les filles. Les relous qui sont là à tenter de vous offrir des verres. Mais oui, nettoyons le monde de tous ces relous. Voilà, envoyez-les nous et puis nous, on fera notre ménage, on écoutera les meilleurs messages puisque les relous vont composer le numéro de téléphone que vous leur avez donné en étant persuadés que c'est votre numéro et donc du coup, ils vont laisser un numéro sauf qu'ils vont tomber chez nous. Ça qui est intéressant pour nous, bien évidemment, puisqu'on écoute chaque matin le meilleur cru de la ligne anti-relou. Écoutez le premier message. Samantha, toi qui disais que t'avais jamais vu un mec comme ça, ben rappelle-moi. Ce pervers. Samantha, toi qui disais que t'avais jamais vu un mec comme ça, ben rappelle-moi. On dirait Gargamel. Mais il croit en lui, le mec. Hein. Il croit, ouais, tu sens qu'il croit en lui, quoi. C'est le mec. T'es vraiment persuadé que lui est persuadé que la fille va rappeler en disant oh, il a l'air bien. Ouais, mon Dieu, je suis en train de passer à côté de lui. Il est confiant, le gars. Quoi. Ah, il est confiant. Et il est con aussi, d'ailleurs. Ah, oui, elle va le rappeler à faire. Ouais, et il va lui ils vont se parler comme ça. Ouais. Oh, peut-être aussi. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Aurélie, c'est Alex. Je suis sur le parking du Mino ici. Tu m'as donné rencard. Il y a une demi-heure, je suis là, je te vois pas. Non, moi, je vois aussi des belles femmes rentrer. Je vais rentrer. Hein. Je vais rentrer et me faire des femmes, moi. La menace. Je rentre à l'intérieur et je serai là avec toi. Salut. Oh là là, c'est menace. La victoire. Oui, oui. C'est voilà. Et quelle victoire. Ah, une ça, c'est belle, du bon belle. Relou. Hein. Tu vois qu'il croit te faire peur comme ça en disant ah ouais. Attention, hein, je vais y aller. Mais là, comme je dis, hein, le mec, encore une fois, il est persuadé que ça y est, c'est fait. Hein. Ouais. Bon, et les troisième et dernier message pour ça, aujourd'hui. C'est le propre du relou, hein, c'est qu'il est persuadé. C'est qu'il y croit. Mais c'est bien parce qu'il y croit toujours. Il faut y croire. Hein. Mais oui. Parfois, il faut pouvoir s'arrêter aussi. Mais enfin, bon. Allez, troisième message, écoutez. c'est toujours Zaza, PC. Ça partait. Et tu m'as donné rendez-vous à la gare de Wii, et je ne te vois pas, alors je te sens, mais je te demande pour savoir où tu es. Et dépêche-toi, parce que je suis dehors et j'ai froid, quoi. Allez, tantôt. Voilà, hop là, voilà la ligne anti-relou. C'est terminé pour ce matin. Elle reviendra bien sûr demain à partir de 6h. Et retenez ce numéro, les filles, à donner à tous les relous de Belgique. 0473 86 0013. Dans un instant, c'est Tuff qui va donc appeler des maternités pour échanger son gosse parce qu'il gueule trop. C'est ça, il est insupportable. Voilà. Et à 8h52, c'est Britney Spears, I Wanna Go sur Fun. Le son de Britney. Avec I Wanna Go à l'instant sur Fun Radio. 8h55, bon réveil tout le monde. Je vous rappelle, avant de donner la réponse, la petite énigme de ce matin. L'énigme qui colle, c'est l'enfant de votre père et de votre mère, mais ce n'est ni votre sœur ni votre frère. Ne cherchez pas trop loin non plus, hein. Regardez-vous dans un miroir, par exemple. Oui, c'est pas mal. Voilà, c'est un indice. C'est l'enfant de votre père et de votre mère, mais ce n'est ni votre sœur ni votre frère. 63,22 par SMS, c'est 1€ par message. Et il y a des écrans plats 16/9 à gagner ou encore des appareils photo numériques. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, l'info va arriver. Et puis on se fait un petit appel, un petit dernier à la maternité. Ah ouais, bah ouais, faut que j'arrive à fourguer. Enfin, faut que j'arrive à l'échanger, quoi. Oui, parce que ce matin, Tof donc est persuadé qu'il va pouvoir faire un échange de bébé dans une maternité. C'est horrible, Tof. Voilà. Oui, c'est cœur. Possible. Faut juste trouver la bonne, c'est tout. Non. C'est un gosse, c'est pas un jouet, ça se fait pas. Mais si, tu vas voir, allez, on appelle à Serein. On va à Serein. Bon, on avait appelé tout à l'heure à Hatt, on avait essayé à Otini, ça a pas bien marché dans les deux cas. Quoi qu'Otini, il avait l'air charmante la fille, mais ouais, même je vais la rappeler d'infos. Oui, c'est ça. Allez, on appelle à Serein maintenant, c'est parti. Oui, oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis rentrée avec, a priori, mon enfant à la maison. Et en fait, il est insupportable. Et donc voilà, j'aurais voulu savoir si c'était possible que je vienne pour peut-être pour l'échanger. Pour l'échanger? Oui, parce que je me dis, tant qu'à faire, bon, à cet âge-là, sur cette taille-là, ça ne se verra pas trop. Hein. Ah ouais, mais ça, je crois que ça va pas être possible, ça. Mais, non, mais on ferait ça entre nous. Et puis en fait, j'aimerais aussi changer la couleur parce que, en fait, vous voyez, je le trouve quand même assez clair. Et j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus sombre. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'en fait, j'ai peur qu'avec le soleil, vous voyez, bon, il ait des problèmes. Donc j'aurais vous souhaité quelque chose d'un peu plus mat. Ah ouais, pour qu'il prenne mieux le soleil. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est surtout qu'après, bon, il va falloir, avec la crème solaire, tout ça. Bon, je sais bien qu'en Belgique, bon, ça, le problème se pose pas trop. Ça va, il pleut, c'est réglé. Voilà, mais je me dis que des fois qu'on partira en vacances dans un endroit où il y a du soleil, je préférerais quelque chose d'un petit peu plus mat. Hein, donc... Ouais, Mais je n'ai pas plus mat. Ah. On met des blonds pour l'instant. Ah oui, vous n'avez que des blonds. C'est, oui. c'est gênant. Mais est-ce que vous en auriez un plus calme au moins? Parce que madame a accouché quand? Parce que je me dis, comme on est rentré hier, c'est vraiment la limite. Parce qu'après, ça, bon, forcément, ça va se voir parce qu'il va être beaucoup plus grand que les autres. Oui, si je reviens dans un an à la fin de la garantie, bah forcément, ça va se voir, quoi. Si vous le remettez en rayon. Ah ouais. Donc, comment est-ce qu'on s'arrange alors pour l'échange? Je ne sais pas. Parce que si vous voulez, moi, ce que je peux faire, c'est que je vous retrouve sur le parking, vous m'en descendez un, et moi, je vous donne le mien, et puis ni vu ni connu, quoi. Oui, tout à fait. Bon, ben, on fait comme ça, alors? Bon, on se retrouve dans une heure? Oui. Me faites pas trop attendre, hein, parce que, bon, après, si le petit est malade, ça m'ennuierait de vous le rendre avec un défaut de fabrication en plus, quoi. Bah, oui. Bon, très bien. Allez, à dans une heure. Oui, c'est ça. Elle a pas l'air totalement fermée non plus, hein. Elle a dit oui, c'est ça. Ah oui, elle a dit oui, c'est ça, effectivement. C'est vrai. Donc dans une heure, j'arriverai. Non, les gens ne sont pas fous comme toi, Tof. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, tout à l'heure, on va encore faire un petit tour du côté de l'horoscope avec notre ami Doudou. On aura la réponse à la petite énigme qui colle. Et bon, dans 5 minutes, hop là, dans 5 minutes, ce sera Maroon 5. Et on paiera vos factures aussi, ça c'est dans moins de 10 minutes, 63,22, débuté par facture. Et l'info, elle arrive dans 1 minute 30. Restez bien sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio, il est 9h. Bienvenue tout le monde. Et nous allons prendre Vicky avant de faire les infos avec Julie. Vicky qui est là. Bonjour, Vicky. Oui, bonjour. Ah, tu es un homme. suis très déçu. Ah, je voyais la lueur d'espoir dans tes yeux, mais en fait, non, pas du tout. Je suis très déçu. Bon, c'est pas grave, Vicky, sois le bienvenu quand même. Je crois que Toff fait exprès, il te fait des blagues. Bon, il choisit les gens qui ont des noms. Mais bizarre, non, parce qu'ils mettent pas tous leurs noms. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est bien mon prénom. Bon, mais y a pas de problème, Vicky. Alors, attention, tu as la petite réponse à la devinette qui colle. C'est l'enfant de votre père et de votre mère, mais ce n'est ni votre sœur ni votre frère. Qui est-ce ? C'est moi. Exactement. C'est bien toi, c'est donc Vicky. Eh oui, c'est donc toi, bravo à toi. Tu vois, petite devinette facile, mais qui te permet quand même de repartir avec un cadeau, ce qui est quand même plutôt pas mal. Écran plat 16/9 ou appareil photo numérique, tu gères ça au standard. Ok ? C'est génial, parfait. Il n'y a pas de soucis, à bientôt. Salut, ciao, toi aussi, bye bye. Bon, bah bonne nouvelle, bonne nouvelle. Maintenant, on enchaîne avec la question qui colle. Qu'ont fait des parents pour empêcher leur fille de voir son petit copain ? Oh, il doit y avoir plein de possibilités, je vous donnerai quelques indices dans un instant. Qu'ont fait des parents pour empêcher leur fille de voir son petit copain ? 63-22, pareil, on offrira le scooter, j'espère, dans quelques instants. Et puis l'info arrive dans 10 secondes. 9h02 sur Fun Radio, l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, les négociations pour essayer de former un gouvernement, eh bien elles ont continué hier soir malgré le décès du frère aîné d'Elio Di Rupo. Les 8 partis et le formateur se sont quittés vers 22h45. Les discussions continuent donc, mais les francophones d'un côté et les flamands de l'autre. C'est toujours le fameux dossier BHV qui coince, personne n'arrive à se mettre d'accord. Ils se retrouveront tous aujourd'hui à 11h. Il n'y aura plus personne dans la prison de Verviers en mars 2012. Il y a de sérieux problèmes d'humidité, d'instabilité et de normes d'incendie. Du coup, tout le monde dehors avant la catastrophe. L'évacuation des 190 détenus va commencer le 15 septembre. Les détenus vont être recasés dans les autres prisons du pays. Gros problème par contre pour les membres du personnel qui ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont devenir puisqu'ils n'auront plus de boulot. Démission du juge Wim de Troy en charge du dossier de pédophilie dans l'église. Il s'estime victime de pression. Le juge a réagi de la sorte à une décision qui a conduit au déplacement de la greffière avec laquelle il avait l'habitude de travailler. Le déplacement de cette greffière aurait été décidé après un incident qui a opposé le juge à l'administration pénitentiaire de la prison de Forêt. C'est la journée internationale de l'alphabétisation et un Belge sur 10 ne sait ni lire ni écrire. L'illettrisme concernerait 570 000 adultes en Wallonie et 180 000 à Bruxelles. Aujourd'hui donc, 10% des adultes de Wallonie et Bruxelles sont toujours en grande difficulté face à la lecture et à l'écriture. La situation est semblable à celle des pays d'Europe occidentale. Bonne nouvelle pour les communes qui ont été touchées par les inondations ces 3 dernières années. La région Wallonne va débloquer un budget de 5 millions d'euros. Ces communes vont pouvoir construire des bassins d'orage et réparer les dégâts provoqués par les trombes d'eau. Actualité à l'étranger, un avion russe s'est écrasé au nord-est de Moscou, tuant 43 des 45 personnes à son bord. L'avion transportait une équipe russe de hockey. Les 5 vedettes du hockey mondial figurent parmi les victimes. Et puis DSK va faire son comeback médiatique sur TF1. L'ex-patron du FMI a choisi Claire Chazal pour sa première interview depuis la fameuse affaire d'agression sexuelle présumée. DSK a choisi Claire Chazal parce qu'elle aurait, selon lui, été la plus empathique pendant l'incarcération et la procédure judiciaire. Ah oui, c'est terminé. Bah, d'habitude, tu termines par le sport, je t'ai perturbé. Oui, mais j'étais plus longue, donc j'ai... C'est vrai. 9h04 sur Fun, la météo maintenant. Eh bien, dégueulasse, hein, pour pas changer. Voilà. Voilà, on va être clair avec tout le monde. De la pluie partout sur le pays et puis 16 degrés au compteur, donc... Oh, c'est l'été, pas mieux. Hein, ça va, on est à la cool. L'info en plus, elle arrive dans 30 secondes sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. 9h05 sur Fun Radio, l'info en plus, Julie. Eh bien, l'info en plus, c'est que pour arrêter de fumer, eh bien, il faut demander à ses potes, sa famille, d'envoyer des petits SMS. De soutenir, quoi. Alors, de soutenir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'une expérience pilote a été donc conduite en Angleterre et qui montre que le fait d'envoyer des SMS d'encouragement aux fumeurs, eh bien, ça les aide à tenir le coup. Ils ont pris 5000 fumeurs qu'ils ont séparés en 2 groupes. Le premier groupe a été soutenu par des petits messages comme « C'est le bonjour, jetez vos clopes, aujourd'hui, vous pouvez y arriver », etc. Le deuxième groupe, bien sûr, il s'est débrouillé tout seul. Eh bien, on s'est rendu compte que le groupe qui avait été soutenu, eh bien, ils ont eu plus de facilité à arrêter de fumer puisque deux fois plus ont arrêté que dans le groupe qui ne s'est pas fait soutenir. C'est pas mal, hein. Donc envoyez des petits SMS à votre entourage qui essaie d'arrêter de fumer, ça peut les aider. SMS, mail, mais bref, soutenez-les. Exactement. On va dire ça comme ça, puisque je rappelle que Julie, ça fait plus d'un mois qu'elle a arrêté de fumer maintenant. Oui, et j'en suis très fière. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bon, elle a déjà tapé. Elle a déjà mis 4 claques à Toff parce qu'elle est un peu nerveuse. Mais bon, sinon, ça va, hein. Non, non, mais vraiment, mais je vous assure, je dis à tout le monde, c'est super simple. Bah, en tout cas, dans ton cas. Après, moi, je connais. Mais non, c'est plus, je pense c'est plus que c'est vraiment mais... facile, mais qu'on se fait toute une histoire et on pense que ça va être difficile. Mais si tu pars du principe que ça va être super simple, il y a aucun problème. Bah, il faut voir. Après, il faut voir. 9h06 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. On va vous payer vos factures dans un instant. C'est la dernière fois de la journée que ça se passe. Alors, soyez bien là. 6322. Débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Un petit message qui vient d'arriver. 710 € pour une bague de fiançailles. Ah oui, quand même. Hein. 213 € pour une cage pour les animaux, le transport en avion. 323 € pour un huissier de mauvaise justice, 140 € pour l'entretien de la voiture, 139 € pour un aspirateur, 318 € pour une robe. Ah oui, quand même. Une belle robe. C'est une belle robe. Hein. Envoie-nous la photo qu'on voit. Oui, avec toi dedans de préférence. Oui, c'est mieux. Ou alors la robe et toi nu à côté. Ça marche aussi. Bon, c'est 9h07 sur Fun Radio. Bon réveil. Maroon 5 et Christina Aguilera. On va écouter Moves Like Jagger avant de vous payer vos factures dans 3 minutes. À l'instant sur Fun Radio. C'était Moves Like Jagger. 9h10 sur Fun. Bienvenue tout le monde. Dans un instant, la réponse à la petite question qui colle. Qu'ont fait des parents pour empêcher leur fille de voir son petit copain? Voilà, donc petit indice, ils n'ont pas été de main morte. Hein, voilà, pour... Ah non, ça veut rien dire ça. Ils n'ont pas été de main morte. Bah, ça veut dire qu'ils ont fait un truc. Oui, bah enfin, écoute, ils, ça va. Ils hein. ont été à l'extrême. Voilà, oui, d'accord, ça. Mais aidez-nous un peu. Enfin, des indices, des vrais. Bah, je sais pas moi. Allez, Mickaël, fais un effort. Non, je peux pas donner l'indice, sinon je donne la réponse là. Toff, t'as un indice toi? Enfin, je sais pas. Un indice. Le transporteur. Pas mal le transporteur. Ouais, le transporteur. Okay, donnez-moi ouais. cette réponse que moi je donne un indice. Oh, bah tiens, en même temps quand tu vas voir le bordel qu'il y a dessus. Allez, c'est où? Donne-moi la bah, feuille. C'est tout le gros bazar. Tout le tas. Bon, je sais pas quoi donner comme indice moi. Bon, écoute, cherche un indice et en attendant, tous les on matins. Paye les factures. Fun Radio paye vos factures. Voilà, c'est parti. Chaque matin, ça se passe comme ça. 7h10, 8h10 et 9h10. Trois fois par matinée sur Fun Radio, on paye vos factures. 63,22 par SMS. Si vous voulez avoir une chance de qu'on vous rembourse votre facture, justement. 63,22 c'est 1 € par message et on vous appelle en direct chaque matin 3 fois par jour donc pour vous rembourser cette facture. Alors faisons un tour du côté des factures que nous avons reçues. Hop là, je fais search et il y a 213 €. Ah oui, je l'avais déjà lu pour la cage de transport. 156 € pour Proximus, une amende pour excès de vitesse de 125 €. Ah oui, quand même, hein. 284 € de loyer, ça va, c'est pas cher. 120 € pour vous. Oui, c'est un petit loyer ça. Oui, c'est un petit loyer. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Olivier. Vous savez qui je suis? Du tout. Ah. C'est bien dommage. Qui t'appelle, Olivier? Tu es sûr? Qui pourrait t'appeler maintenant, là? Ouais, c'est Mickaël, Fun Radio. Ah. Ouais. Tu vois, il m'a reconnu moi, en fait. Ouais, c'est comme moi, j'ai commencé à parler. Ouais, merci, en même temps, Olivier. Moi, je l'ai agressé, je l'ai vouvoyé, et je lui ai dit qui t'appareille. C'est sûr, mais bon, toi, tu me dis voilà. Là. Bah moi c'est le but. Il a pour détendre l'atmosphère. Bon. Je suis surpris là. Eh, bah oui Olivier, tu n'écoutes plus la radio à cette heure-ci. C'est pas encore fini. Ah, tu n'écoutes plus la radio à cette heure-ci, c'est malheureux. S'il te plaît. Je dis tu n'écoutes plus la radio à cette heure-ci, c'est malheureux. Ah mais le boulot, les collègues autour de moi, c'est pas évident. Bah oui, j'imagine. Faut convertir. Bon. Tout le monde ne commence pas à 6h du mat comme nous. Bah oui, plutôt, mais bon, les jeux c'est à 7h10, 8h10 et 9h10. Mais enfin, si tu veux, je remets ton numéro dans le pot et on te rappellera peut-être un autre jour plus tôt. Non, bah, j'ai changé de boulot alors. Ah voilà. Ah voilà, enfin une bonne résolution. Ben voilà. Bon, toi, on va rembourser combien, Olivier? 61 €. 61 € pourquoi, Olivier? Ah, ça c'est un abonnement de bus pour l'un de mes fils. D'accord, ok. Bon, bah écoute, alors bonne chose. Ça va encore, je pensais que c'était bien plus cher en fait. Oh, bah ça dépend aussi où t'habites. Voilà, j'en étais sûr. Je savais que c'était bien plus cher. J'envoie un petit message pour le prochain. Ah, bah voilà. Écoute, qui sait, rendez-vous dans 3 mois. Peut-être. Bon, ça marche. Bah écoute, passe une bonne journée, Olivier, au travail. Et puis, bah on te rembourse ta facture de 61 €, y a pas de problème. Ah, bah c'est super, vous êtes génial, continue comme ça, merci. C'est gentil, merci à toi, à bientôt, Olivier. Ciao. Salut. Et puis vous aussi, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, soyez au rencard dès demain 6h du mat sur Fun Radio. Et puis dans un instant, on va s'écouter le son de... Qu'est-ce qui se passe? J'hésite. Ah, enfin, j'hésite pas du tout. Ah non. Oui, non, on a bien compris que tu... Je crois que tu y penses depuis que tu es arrivé à la radio. C'est ça. Niro qu'on va écouter dans un instant avec Promises sur Fun Radio. Et puis on jouera aussi pour vous offrir le scooter Kymco 125 cm3, le Like. qui est plutôt pas mal, qui vaut quand même 2000 euros. Et si vous ne trouvez pas la plaque d'immatriculation, sachez que vous gagnerez d'office, si vous passez l'antenne avec moi, 25 euros de carburant. Et bonne nouvelle, on a bien avancé dans les plaques d'immatriculation là, puisque nous il reste plus que deux. Il en reste plus que deux à trouver. C'est pas mal. Ça va encore. Un là. Chiffre là, et y une y a lettre. Moyen, les gars. Un chiffre et une lettre. Alors attention, je vous répète ça dans un instant parce que j'ai plus le mail sous la main. Ah si, voilà, c'est ça. Alors attention, pour l'instant on a trouvé le 1. Ça commence par 1, forcément, comme toutes les nouvelles plaques belges. Ensuite il y a M, ensuite on ne sait pas. Ensuite il y a de nouveau M, ensuite il y a un 2, ensuite il y a un 4 et ensuite on ne sait pas. Ce qui veut dire qu'il n'en reste que 2 à trouver. Bonne chance tout le monde et inscrivez-vous si vous le souhaitez. 6322, débutez par scooter. Vous mettez la plaque que vous imaginez, vos coordonnées complètes et on vous rappelle peut-être dans moins de 10 minutes. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et oui, 9h16 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est l'horoscope avec notre ami Doudou, le dernier de la journée. Et puis un de mes sons préférés pour l'instant, Niro, qu'on écoute sur Fun Radio. Promises. Bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Niro sur Fun Radio avec Promises. 9h20, bon réveil tout le monde si vous débarquez. Bon, il est temps de se lever là, 9h20 quand même, hein, il y a un moment. Hein. Oui, surtout que nous, on est quand même levé depuis 5h du mat, donc j'ai envie de dire, à vous de vous bouger un petit peu. Quoi. Voilà, donc il y a un moment, nous, on est quasiment, c'est un peu l'heure du midi pour nous là. Hein. Ah, là, oui. Tu vois ah oui. Et quand, tu sais, quand il est 20h, pour nous, il est minuit. Mais donc ouais, c'est ça. Voilà, on a plus de vie. Non, moi voilà. J'ai demandé à un pote tout à l'heure s'il voulait éventuellement en fin d'après-midi aller manger avec moi vers 13h. Tu vois. Donc je comprends pas, il dort encore. Je sais pas. Tant pis. Bon, dans un instant, la réponse à la question qui colle, bien évidemment. Et puis, est-ce que t'as analyse, Julie, qui faisait la maline là? Alors, ils n'y ont pas été de main morte. Ouais, bah merci, j'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'ont fait les parents pour empêcher leur fille de voir son petit copain? Bah, c'est-à-dire que t'as raison, si on donne un indice, bah ouais. On donne la réponse. C'est ce que je disais. Je dirais. Allez, excuse-toi, mets-toi à genoux, dis-moi, tu es le meilleur, tu es beau, tu es grand, tu es jamais, fort. Jamais. Ah bah bravo, tiens. T'as bien voulu aider les auditeurs, mais je veux bien les aider, mais je vais balancer la réponse, quoi. Non, bah alors tais-toi. Fun Radio. L'horoscope. Et on est en retard, là, Doudou, là. On est très en retard, là. Ah bah oui, bah vous avez qu'à commencer l'émission plus tôt, comme ça vous serez à l'heure. Bah oui, bah je vais réfléchir, Doudou. Mais enfin, ça veut dire que vous allez devoir venir plus tôt aussi. Ah bah non, bah là c'est pas grave. Si vous êtes en retard, on va faire avec. Hein. Ouais, bien. Bon, on va commencer avec les béliers, Doudou. Alors, si vous vous sentez abattu, c'est que vous avez déjà trop donné au travail. Les taureaux. Financièrement, vos efforts vont vous conduire à la réussite. D'accord, très bien. Oui, si vous continuez à travailler avec détermination, c'est normal. Ben oui, les gémeaux. Si vous avez négligé l'amour ces derniers temps, vous avez toutes les chances de vous rattraper aujourd'hui. Les cancers. Les sentiers battus ne sont pas bons pour la relation à long terme, alors il faut changer ça. Très bien, les lions. Faites une pause pour mettre de l'ordre dans vos idées. Les vierges. Vous ne travaillerez pas bien en étant sous pression, alors décompressez. Les balances. Flottez autant que vous le pouvez car les étoiles de l'amour sont de plus en plus favorables. Les scorpions. Un changement d'air ferait le plus grand bien. Alors partez ailleurs. Oui, les sagittaires. Faites le plein d'assurance en vous. Hein, courage, les étoiles sont favorables et vous réussirez plus de choses que vous le croyez. Les capricornes. Répondez aux avances d'un de vos collègues, hein, parce qu'il semblerait qu'en fait ses sentiments ils soient vrais qu'il ait très envie de vous. Écoutez, les Verseaux, cela dit, nos hobby job. Hein. Oui, bah c'est pas grave, vous ferez à la maison. Oui, c'est ça. Les Verseaux. Vous surmontez toutes les difficultés en vous montrant habile. Et les Poissons pour finir. Vous avez tendance à exagérer et vous risquez de rencontrer des problèmes si vous continuez comme ça. Eh bien, très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Doudou. Hein. Rendez-vous demain. De rien, avec plaisir. Rendez-vous demain vers 6h. Au revoir, Doudou. Oui, au revoir. Demain. Allez, oui, bah au revoir. On va s'écouter un petit peu de son maintenant, tiens. Oh, les petits messages là, petite chanson spéciale dédicace pour notre amie Julie. What the fuck? Voilà, super. Tout simplement. Sac Noël. Comme ça me met. Oh, je suis joie. Oh, allez, Sac Noël maintenant, Loca People. What the fuck? Le son de Sac Noël à l'instant sur Fun Radio avec Loca People. What the fuck? 9h26. Dans un instant, Lucas va débarquer pour faire le self comme chaque matin de 9h30 à 13h sur Fun Radio. Et il pleut au-dessus de la radio et ça, c'est beau, c'est magnifique. Ah oui, non, mais ça, on le savait. Hein. On est au top du top, c'est le top du top, c'est la classe. Je pense que c'est mort et que les voyages destination soleil dans les prochains mois, les prix vont exploser parce que tout le monde va se jeter dessus. Ah ouais, il y a de fortes chances, effectivement. Bon, nous avons qui maintenant pour le scooter? J'ai oublié. Pour le scooter, nous avons Patrice. Ah, Patrice qui est avec nous. 42 ans. Comment vas-tu, Patrice ? Ça va très bien. Bon, tant mieux, Patrice. Tu as quel âge ? Tu as 42 ans, tu appelles d'où ? Charleroi. De Charleroi, 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi, donc c'est magnifique. Patrice, est-ce que tu as la plaque d'immatriculation du scooter Kymco 125 cm3, le Kymco Light, qui vaut quasiment 2000 euros? Et sans oublier que d'ores et déjà, tu gagnes 25 euros de carburant chez Octa Plus. Donc ça, c'est gagné, ça y est, c'est fait, quoi qu'il arrive, c'est bon. Maintenant, il faut retrouver la plaque d'immatriculation. C'est le A. Attends, répète toutes les lettres, parce que sinon on va plus s'en sortir. Ah oui, d'accord. A, M, Y, M, 241. 1MYM241. C'est une mauvaise réponse. Oh, non. Le Y n'est pas bien. N'est une mauvaise réponse. C'est pas qu'il n'est pas bien placé. Il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, c'est ça. C'est pas la bonne lettre. Le 1, c'est bon. Le M, c'est bon. Le Y, c'est pas bon. Le M, c'est encore bon. Le 2, c'est bon. Le 4, c'est bon. Et après, tu m'as dit 1, c'est ça ? Oui. Eh ben, c'est pas bon. Voilà. Bah, c'est pas bon. C'est pas loin, mais c'est pas bon. Bon, bah tant pis, hein. Tu retentes ta chance quand tu veux quand même, Patrice, d'accord ? Ok, c'est bien. Et reste avec nous encore au standard. On prend tes coordonnées pour t'envoyer ton chèque de 25 euros chez Octa Plus. Ok, merci. Salut, salut, à bientôt. Merci. Mais à toi aussi. Et puis enfin, pour terminer, la question qui colle maintenant, on enchaîne directement. On est comme ça, nous, on a peur de rien. Allez hop, c'est et parti. Et donc, c'est Junior, Junior qui a 17 ans et qui nous appelle de Dampremis. Très bien, salut Junior. Salut Junior, comment ça va ? Ça va. Bon, bienvenue à toi Junior. Alors toi, t'étais là pour la question qui colle. Qu'ont fait des parents pour empêcher leur fille de voir son petit copain ? Elles l'ont fait enlever. C'est un peu ça. Bah oui, c'est ça, c'est horrible. Oui, c'est ça, ouais. Donc en fait, ouais, c'est une fille qui s'est retrouvée donc malgré elle sur un ferry direction la Corse, alors qu'elle vivait à Nice, parce qu'il n'apprécie guère son petit ami, donc ses parents et son frère, ont décidé d'aller ramener eux-mêmes la jeune femme de 24 ans au domicile familial situé en Corse. Donc ils ont tous les trois été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Et c'est des grands malades. Non, mais c'est des, ouais, mais c'est des Corses, les Corses, il faut pas les emmerder, quoi. Ah non, ça c'est vrai, ouais, non, il faut les Corses, les Corses t'arrivent et tu dis rien, quoi, tu vois. Tu... Ouais, c'est, tu en fait, tu sais quoi, quoi, les Corses, tu n'arrives pas. Non, non, n'y va pas, mieux. N'y va pas. Comme ça, c'est dommage parce que c'est joli, mais faut pas y aller. Hein, oui, parce que faut, ça peut être en tout cas, faut pas les emmerder. Ça, voilà, ça faut pas les emmerder, les Corses. Hein. Bon, bah, en tout cas, Junior, bravo à toi, c'est gagné, tu avais la bonne réponse. Tu repars donc avec des cadeaux, je te renvoie chez Toff au standard. D'accord, merci. Y a pas de problème. Salut à toi, Junior, à bientôt. Salut. Salut, salut. Et on sera de retour demain, nous, pour la dernière de la semaine. Oh, déjà, ça passe méga vite. Eh oui, demain on sera vendredi, la dernière de la semaine. Et bah, Lucas qui va débarquer aussi dans un instant là. Hein. Bonjour tout le monde. Alors Lucas qui avait fait avancer le schmilblick pour trouver la plaque d'immatriculation hier, alors que nous on a rien foutu. Hein, parce que pas de lettres. Dans une demi-heure. Bah peut-être. Pas de lettres, pas de chiffres trouvés. On sait que ça commence par 1, ensuite il y a M, ensuite bon, on sait pas. Ensuite il y a M. Il y a plus grand chose qui reste. Vous avez bien écouté, il y a plein de lettres qui sont tombées, bah, des chiffres aussi, donc il y a moyen. Voilà, donc puis après il y a 2, puis il y a 4, et puis on ne sait pas. Voilà, donc. Faut chercher maintenant. Hein. À vous de jouer. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça tombera d'ici à demain, peut-être, ou peut-être demain, on verra bien. En tout cas, si vous voulez vous inscrire, 63-22, débutez par scooter, vous laissez la plaque que vous imaginez avec vos coordonnées complètes. Et Lucas jouera avec vous avant 13h. Voilà. Allez, parfait, c'est plié. Donc, Lucas qui est là pour les sons maintenant que vous allez pouvoir demander au 30-44 en débutant votre message tout simplement par self. À demain, tout le monde. Ciao. Il vous manque déjà ? Mais c'est pas possible. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.